Donc je dis à Olivier Besancenot, hein, petit merdeux, je te prends quand tu veux, hein, tous les deux, sur un ring, puisque tu fais de la boxe. Par contre, je viens de prendre quoi tu veux hors caméra. Alain Chabal. Ce soir, de 22h à minuit, dans l'émission Derrière ta porte sur Radio Mondiale. C'est une menace, Alain, c'est une proposition. Et donc, nous recevons Alain Soral qui est là. Alain Soral, bonsoir. Bonsoir, excusez-moi de mon retard. On a parlé d'un peu de l'actualité. Donc, on avait un peu d'actu. On avait un peu d'actu. Bien, et ben écoutez, merci de votre venue dans notre jeune émission. Si vous le voulez bien, bon, on va prendre peut-être un déroulé classique, parcours, actualité et projet. Ça vous convient ? Ouais, ça va. Bon, parcours, on passe rapidement, peut-être, non ? C'est si vous voulez charter une partie. Les gens vous connaissent, mais on peut faire des rappels utiles, non ? On a des jeunes. On a des tout jeunes. Des très jeunes. Parcours atypique. Oui. Ouais, peu d'études, autodidacte, marginal, je crois. Ça, c'est le marginal. Et comme souvent les gens qui savent rien faire, j'ai gagné ma vie dans le journalisme. Et je me suis politisé progressivement en venant, comme tous les gens de ma génération, plutôt de l'extrême gauche, pour des raisons d'origine sociale, quoi. Et puis, avec un passage par le Parti communiste français, mais quand même à l'époque de la chute du mur. Mmh. Moi, je suis rentré au PC quand le PC a cessé d'être le parti officiel d'un pays qui s'appelle la Russie. Et puis, on lui a coupé les vivres, à mon avis. Voilà. Donc, il y avait un petit symbole là-dedans. Ouais. Et j'étais de ceux qui étaient désolés de l'échec du putsch qui aurait dû empêcher Elstine de prendre le pouvoir. Je pense que rétroactivement, je pense que je ne m'étais pas trompé. Mais voilà, et puis quelques bouquins qui ont fait parler de moi parce que. Le mouvement de monde expliqué aux parents. Oui, ça c'est un vieux. Ça c'est le premier que j'ai écrit. Cobalt, qu'est-ce qu'il a ce. Faut plus proche. Ah oui, là c'est carrément chanteur. Là. Et. Oui, j'ai fait un premier bouquin pour m'amuser avec un copain en 84 qui a marché. C'est d'ailleurs parce que ça a marché que j'ai continué, parce que j'ai gagné ma vie. Quoi. Et donc j'ai découvert qu'on pouvait gagner de l'argent en écrivant. Et donc j'ai continué à faire du journalisme, d'autres bouquins. Et bizarrement, j'ai fait quelques succès de librairie. Oui. Toujours inattendu, notamment à un moment donné avec un bouquin qui s'appelait « Jusqu'où va-t-on descendre ?» Oui, qui a eu plusieurs éditions celui-là. Oui. Qui d'ailleurs vient d'être édité en édition de poche. Alors l'anecdote amusante, c'est qu'il n'y a pratiquement eu aucune campagne de presse sur cet ouvrage. Il n'y a pas eu de vraiment de retentissement dans la presse. Et par contre, il était... Le premier tout de même, c'est le second où ça a été... L'ABCDR, il me semble que... Jusqu'au retour décembre, il y a eu quand même certaines presse. Je vais vous répondre clairement, comme je le fais toujours. Il y a eu à chaque fois un élément déclenchant qui fait que ça s'est vendu, c'est Ardisson. Tous ces bouquins-là... Ardisson m'a invité et c'est sur Ardisson, enfin à l'époque ça s'appelait Tout le monde en parle je crois, d'ailleurs il a perdu cette émission, je pense qu'il y a même un petit lien d'ailleurs, et il m'a invité 4 fois en 4 ans, quoi. Et à chaque fois que j'ai écrit 4 bouquins de suite, chaque fois que je sortais le bouquin il m'invitait et ça marchait, et c'est d'ailleurs ça marchait trop bien et ça m'a attiré quelques ennuis quoi, et Ardisson aussi d'ailleurs je crois, je lui demande pardon. Et puis, série de bouquins, effectivement, assez critiques, qui vont crescendo, et qui aboutissent à un moment donné à mon soutien à Dieudonné, et à mon rapprochement de Le Pen pour les dernières présidentielles. Donc je suis parti de la marginalité, j'y suis resté finalement, parce qu'en fait, les gens se rendent pas compte que finalement, j'ai été invité dans les médias, et... J'y allais parce qu'on m'invitait, mais j'ai jamais tellement changé de positionnement, c'est-à-dire un positionnement qui est lié à mes origines, c'est-à-dire de mec qui vient de la marginalité des années 70, où de toute façon, à l'époque, il aurait été honteux de travailler dans le salariat, et notamment dans les médias, ça aurait été considéré comme une déchéance. Donc j'ai toujours... je n'ai jamais cherché de boulot, quoi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui n'ont pas toujours compris pourquoi j'avais commis ce qu'ils appellent des erreurs, parce qu'ils m'avaient confondu avec Eric Zemmour, ou je sais pas quoi. Enfin, je n'ai jamais cherché à être chroniqueur à la télé, quoi. Je suis Je suis toujours resté dans l'idée que le système, nous on appelait ça le monde bourgeois, était abject et qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'était d'essayer de le renverser, que ça pourrait être fait en gros que par la force. Et en réalité, j'ai jamais changé d'idée, simplement c'est les leviers qui ont changé en fonction de la réalité, quoi. Donc, c'est la première question que moi que j'avais envie de vous poser, c'était justement, on va dire la carrière littéraire, enfin essayiste, marchait bien. Pourquoi ne pas être resté un trublion de la sphère littéraire et avoir fait une sorte d'outing politique qui ne vous a pas finalement, en termes de lectorat, profité? D'abord, parce que je ne cherchais pas à profiter. Non, mais entendons-nous bien. Je suis d'accord là-dessus. Il ne faut pas rêver. Il y avait un écho, il y avait un lectorat important. À cause d'Ardisson. Parce qu'en réalité, si. En fait, moi, Les mouvements non expliqués aux parents, c'était un bouquin j'avais 25 ans quand je l'ai fait, qui était de la sociologie populaire, mais qui n'était pas très subversif, qui était ironique tout au plus. Après, j'ai bourlingué pas mal, puisque je me suis retrouvé à filmer les animaux sauvages au Zimbabwe, j'ai des conférenciers au Brésil, physionomiste dans un casino, enfin, j'ai fait tout et n'importe quoi, boxeur amateur, et puis j'ai essayé de faire du cinéma, parce qu'en fait, le rêve de tout le monde, c'est de mettre un pied dans le cinéma, parce que c'est là où il y a du pognon, des femmes, et de la valeur ajoutée symbolique, et donc j'ai fait des courts-métrages, et j'ai réussi miraculeusement à écrire un long-métrage et à trouver un producteur pour le produire, qui s'appelait Confession d'un dragueur, et qui d'ailleurs, là, j'ai fait une petite ellipse, reprenait un ouvrage de sociologie populaire, j'avais écrit, qui s'appelait Confession d'un sociologie du dragueur, qui est un livre assez subversif, mais pas politiquement au point de vous mettre hors système, quoi. Et puis ce film a été terriblement éreinté par la critique, et là j'ai compris que le monde du cinéma ne voulait pas de moi, parce que j'avais déjà beaucoup de casseroles sans m'en rendre compte privé. J'étais considéré comme un mal-pensant déjà, parce que ayant échappé à l'université, j'ai lu tous les bouquins qu'on peut lire quand on n'a pas fait l'université, c'est-à-dire ceux qui ont été systématiquement cachés par l'université, aussi bien d'ailleurs de gauche que de droite. J'ai une culture très... C'est ma grande supériorité sur vous tous, c'est que j'ai une grosse culture de gauche et de droite, ne venant de nulle part. Non, mais je veux dire, vous tous, je le dis à tout le monde, c'est-à-dire que je n'ai connu que des gauchistes qui connaissaient rien à ce qu'ils appellent l'extrême droite, et que des gens d'extrême droite qui ne connaissaient rien à ce qu'ils croient être la gauche et qui confondent gauchistes, 68ards, trotskistes, maoïstes, PCF, lambertistes, LCR, et pour eux c'est des bolchos, des rouges. Et ça m'a toujours catastrophé le fait qu'il y ait peu de gens finalement qui maîtrisent à peu près la totalité du spectre, et quand on comprend, quand on connaît un petit peu mieux ces nuances, ça devient plus facile de comprendre comment fonctionne le système et d'échapper à la catégorie léniniste des idiots utiles, quoi. Voilà, donc et cette culture en tant qu'individu marginal, je l'ai jamais caché, ce qui fait que dans les dîners en ville, j'ai toujours fait comme les grands cons comme moi, le malin, en citant des auteurs qu'on n'a pas le droit de citer, en faisant comprendre que j'avais lu des livres, on n'avait pas le droit de lire. Et je m'étais pas rendu compte, je m'étais terriblement... j'avais des grosses casseroles, et quand mon film est sorti, là, je me suis fait tirer dessus au bazooka par Le Figaro, Libé, Le Canard Enchaîné, et j'ai compris... Et j'ai compris que je ne ferais pas de cinéma, là, je l'ai compris. Du coup, j'ai eu une espèce de colère qui fait que j'ai pondu assez vite ce bouquin qui s'appelle « Jusqu'où va-t-on descendre ?» pour finalement tirer mes dernières cartouches, entre guillemets, aller jusqu'au bout de... Celui-là était directement issu de cette expérience cinématographique. Non, du désir de me venger d'un milieu mondain qui m'avait reproché des tas de choses, et plutôt que de m'excuser, c'est un peu comme mes excuses de Dieudo. J'ai balancé ce que j'avais dans le ventre, sans penser du tout que ça ferait un succès. Or, il se trouve que je connaissais Ardisson depuis des années, plutôt pour des raisons de boîte de nuit et de salon de massage. Et en fait, il m'a invité. Et ce bouquin a fait un best-seller, exactement comme les mouvements de mode avaient fait un best-seller alors que c'était pas du tout prévu. Comme Société du Dragueur a pas mal marché, ce qui m'a permis de trouver un producteur. Il a fait bien la féminisation, il avait marché aussi. Oui, mais qui était la suite quand on dit marché, c'est vendre 20 000 bouquins, quoi. Ce qui est pas mal, mais c'est pas Marc Lévy, quoi. Et le Jusqu'où va-t-on descendre, non seulement a marché, mais a inauguré quelque chose, c'est-à-dire ce qu'on appelle les penseurs politiquement corrects, et notamment les types de gauche qui osent d'un seul coup se positionner sur un terrain qu'on appelait celui des nouveaux réactionnaires. D'un seul coup, je me suis retrouvé un peu chef de file des nouveaux réactionnaires. Mais c'est marrant, ça n'a pas pris ça, mais c'est pendant 2-3 ans, il y a eu ce bandeau à la une de la presse, les nouveaux réacs, les réacs. Ça correspondait à un virage avec Muret, même Pinkelkraut, c'est-à-dire... depuis. Oui, c'est Lindenberg. Même Gérard, l'humoriste, il est ouais. Et même à l'époque, il y avait Dantec aussi. Ouais, c'est-à-dire que les types qui venaient soit de la gauche, soit de la droite, ils d'un seul coup ne disaient plus ce que doivent dire les penseurs institutionnels d'un camp ou de l'autre. C'est-à-dire donc on a du mal à les lier. Bah, tout ça a à voir avec cette culture globale qui fait que d'un seul coup, quand on cesse de prendre pour argent comptant toute la mythologie de la deuxième moitié du XXe siècle, on peut plus facilement naviguer. C'est-à-dire que moi, je suis un marxiste qui a lu Maurras, et je vois pas dans quoi. Et d'ailleurs, dans le temps, on disait qu'un jeune homme cultivé devait avoir lu les deux, quoi. Je veux dire, or aujourd'hui, on a malheureusement des gens qui s'interdisent de lire l'un ou l'autre parce qu'il faudrait avoir lu l'un, donc pas l'autre. Et donc ce bouquin jusqu'au 2 décembre. Oui, mais malheureusement beaucoup de gens qui se pensent hors système. Plégique, hein. Oui, mais beaucoup de gens qui pensent qu'ils luttent contre le système se soumettent totalement au dictat du système. Alors l'extrême gauche, c'est très lisible aujourd'hui avec l'antifascisme. Je le sens, vol décadente et illégitime. Et il a préparé le terrain. Il a mis Colbert au pouvoir sur la bourgeoisie, et grâce à ça, il a eu les pleins pouvoirs, et après lui, c'était foutu. Oui, mais la République a accéléré et parachevé le processus. C'est pas déjà, un fantasme. Déjà, excuse-moi, j'ai encore de donner une leçon d'histoire. Vas-y. Quand un régime millénaire s'écroule. Ouais. C'est pas juste parce qu'il y a un petit malin qui a glissé une peau de banane. Je dis au contraire. C'est qu'il méritait de tomber et qu'il a fait un fruit. Nombre d'erreurs historiques qui fait que le fruit était mûr. Donc moi je pense que la question c'est pas de dire la Révolution française a été une catastrophe. Il faut revenir à l'ancien régime. Et je dis ça. Je dis qu'elle a radicalisé le processus. Pourquoi une monarchie millénaire s'est-elle écroulée et pourquoi la France est-elle devenue révolutionnaire, républicaine et jacobine. Et en fait, il y a des fondamentaux là-dedans. Emmanuel Todd écrit sur la famille égalitaire du bassin parisien, etc. Mmh. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est que je pense qu'un Français cultivé... C'est bon ce bouquin, La Nouvelle France, d'ailleurs. Oui, bien sûr, c'est bon. Un Français cultivé et fier d'être Français échappe à tous les pièges du système de culpabilisation, de flagellation, etc. etc. Et avec un Français comme ça, d'un seul coup, on voit qu'il y a plus tellement de problèmes de savoir... La culture ne suffit plus, il faut du caractère aussi. Tu sais d'où tu viens, t'as de l'épaisseur, tu te fais roulé par n'importe quel mec qui arrive et qui te culpabilise. Et je veux dire que déjà, si on faisait ce travail-là, il n'y a pas besoin de donner aux gens l'ordre de se redevenir plus ceci ou plus cela. Ça se fait. C'est-à-dire que moi, je ne dis même pas aux gens pour qui voter. Je dis, on les aide à comprendre comment fonctionne le système, quels sont les pièges du système, d'où ils viennent, quelle est leur histoire sérieuse et réelle. Et de même, à mon avis, deviennent fiers d'être Français, ils comprennent que c'est bien d'être d'origine auvergnate et qu'il ne faut pas faire croire systématiquement qu'on a un cousin qui vient de New York, etc. Enfin, ça se remet en place naturellement. D'accord. Simplement se réapproprier leur histoire, qu'ils la connaissent. Moi, ce que je retrouve donc chez les identitaires, c'est que c'est un peu brutal, si tu veux. Et en étant un peu brutal, un peu dans l'ordre du défi, notamment de montrer le Front National comme un mouvement, je veux dire que moi, les identitaires ont dit que j'étais immigrationniste. Non, mais attends, Alain. On fait le problème, c'est que tu réduis la problématique identitaire au texte. Quel texte ? Dépasse aura le même combat, j'ai lu. Je veux dire, c'est rigolo, mais je veux dire, c'est du truc de cours de récré. Le problème, c'est que si tu réduis la problématique identitaire, la confrontation dialectique de deux visions du monde, au problème avec la structure des identitaires. Et les problèmes de personnes, où t'as vu qu'il y avait deux visions du monde. C'est quoi ces deux visions du monde? Oui, pour moi, il y a deux visions du monde. Il y a deux projets différents au niveau politique et social, entre le projet national-républicain et un autre projet pour la France, un projet enraciné. C'est ça, les deux visions du monde? Ouais. Bah, moi, je veux dire, les deux visions du monde, c'est la mondialisation libérale, qui est de créer un empire avec des ilotes. D'autre côté, ceux qui y résistent. Donc déjà, tes deux mondes, ils n'existent pas. Non. C'est-à-dire que t'es en train de voir deux souris qui s'enculent, alors qu'il y a un éléphant qui va les écraser. Non. Tu disais tout à l'heure. Il y a l'empire. Tu disais tout à l'heure hors champ que à l'intérieur, il fallait faire renaître un projet. Ne dis pas qu'il y a deux souris qui s'enculent. On parle du projet qui pourrait faire renaître. On ne voit pas des effets. On ne voit pas d'ennemis. Je te dis qu'il n'y a pas deux visions du monde. Il y a deux visions du monde dans ces 4 mètres carrés là. Le monde entre identitaire et mariniste, on va dire. En réalité, il y a deux visions du monde aujourd'hui. C'est la vision mondialiste. Financière qui décide en gros sur la déclaration universelle des droits de l'homme qu'il n'y aura plus que des citoyens du monde nomades, et ça c'est la vision d'Attali, et ceux qui essayent de résister à ce projet qui est un projet de destruction de toute civilisation. Et moi je suis du côté de ceux qui restent à ce projet qui est identitaire. Moi aussi. De dire que les deux projets du monde ça serait les identitaires ou Soral, c'est pas la réalité. Nous sommes très très proches, les identitaires et nous. Et par contre nous avons un ennemi surpuissant et surarmé qui s'appelle l'alliance Sarko-Kouchner. Non mais là on est d'accord. Nous, on te dit de Besancenot, et Besancenot, je ne sais pas si vous voyez ce qu'on a face à nous. On a Besancenot qui est pour la régulation massive des sans-papiers. On a Attali qui est pour le nomadisme. Le système ne dort jamais. Ça s'appelle l'Empire. Et nous, nous résistons ensemble à l'Empire avec des sensibilités légèrement différentes. Alors, si vous voulez croire que nous sommes deux mondes qui s'affrontons, alors que nous sommes deux hannetons qui nous gratouillons on le ne dos avec des allumettes, vous êtes des bouffons. C'est oui, ça que c'est je ça. Dis, voilà. Ouais. C'est bien. Moi, j'ai une question. Luttons ensemble contre l'Empire. Voilà. Est-ce qu'ils sont l'ennemi ou est-ce qu'ils sont un simple adversaire? Pour moi, ils sont un simple adversaire. Dans ces 4 mètres carrés que tu décrivais, il y a beaucoup plus que des identitaires. Il y a à peu près, je crois, des patriotes. Non, il y a à peu près tout ce qui se fait en mouvance dans la nation. Ce sera ce que tu vas dire. Et donc, il n'y a vraiment pas que des identitaires. Non, je reprends un truc. Il me dit il y a deux visions du monde. Alors, en gros, il y a les identitaires et les nationaux républicains. C'est pas ça, les deux visions du monde. Les deux visions du monde, c'est l'empire d'extermination de toute civilisation. Alors, reformulons la chose. Et dans les gens qui résistent, c'est-à-dire ce deuxième camp, dans lequel nous sommes tous, il y a deux sensibilités en ce moment qui se tirent un peu la bourre. On reformule correctement, d'accord. Et qu'on appelle les identitaires et les républicains, et que certains appelleraient les... Mais il y a même d'autres sensibilités. Et les assimilationnistes, qui est faux aussi, ce sont des exagérations. Alors je dis, l'Empire a la volonté et l'intérêt de nous opposer les uns aux autres, et de faire croire que nous sommes bien deux sûr. Mondes inconciliables, alors que bien nous avons des micro-points de détail, de divergence, et par contre alors, la nécessité ça, absolue oui, de nous unir, si nous ne voulons pas tous les deux être exterminés demain, car notre France que nous aimons, je m'en fous de savoir si demain elle sera identitaire ou égalité réconciliation, elle sera laminée par l'immigration intégrale, non, elle sera laminée par la Constitution européenne et par l'UE, elle sera laminée par tout ce qu'on sait, et donc... Vous n'êtes pas mes ennemis, je ne suis pas votre ennemi. Mais et personne ne s'amuse à jamais parler de ça. Hein. S'amuser à dire que nous soyons. Bah si, tu me dis, il y a deux visions du monde. Non, non, non, mais, non mais ça veut pas dire deux ennemis. C'est pas de la géopolitique. Tu formules ton projet. Il y a deux projets quand même qui ont des différences. Non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de projet. Je te lis dans le texte. Tu veux, tu fais une vision universelle. Tu as un projet universaliste classiquement républicain, un peu rénové et régénéré, si tu veux, par rapport à l'expérience que nous vivons. Universaliste enraciné. Et l'universalisme est une idéologie locale. D'ailleurs, l'universalisme est une idéologie française. Donc, c'est-à-dire, en tant qu'identitaire français, je suis universaliste parce que c'est nous qui l'avons inventé. Donc, oui, justement. Et vous, en tant qu'identitaire, comment dirais-je, séparatiste, vous êtes des anglo-saxons. Séparatiste. Et la vision de l'identitaire universaliste. Ah bon, parce que l'universalisme, c'est une invention française. C'est le génie français. Voilà. Et c'est... Non, mais c'est toi qui fais l'universalisme abstrait. C'est-à-dire que tu crois que l'universalisme pousse sur les arbres ou que c'est Dieu qui l'a inventé. C'est tout. Des Français à Paris qui ont inventé l'idéologie. C'est peut-être le problème. Donc, c'est du problème, c'est une idéologie identitaire française. Mais d'ailleurs, elle n'est pas partagée par les anglo-saxons. Et moi, je reproche quelque part, pour faire la dialectique aux identitaires, d'avoir une conception anglo-saxonne de l'identité. Moi, que tu dises une vision, une conception germanique ou slave, je suis plus d'accord mais avec toi. Je fais la dialectique, on s'en fout, on fait les malins, on a d'autres soucis. Mais les Darwin, les anglo-saxons ont donné aux identitaires un autre principe qui est le darwinisme, quand même. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, mes ennemis ne sont pas identitaires. Mes ennemis ne sont pas identitaires, et je crois que la sensibilité identitaire, si aujourd'hui on parle d'identité autant que ça, c'est que c'est un vrai problème. Si l'identitaire arrive aujourd'hui, c'est qu'ils correspondent à un problème. C'est-à-dire qu'ils sont la réponse, ils sont l'angoisse légitime de quelque chose de parfaitement légitime. Donc moi je dis pas les identitaires ne doivent pas exister. Je dis, il est totalement normal et sain que les identitaires émergent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au point où on en est de destruction de la France et de l'identité nationale et des identités régionales, il est même sain que des jeunes gens s'inquiètent de la destruction totale de tout ce qui fait leur monde. Il n'y a aucun doute là-dessus, je ne peux pas dire plus. Ce qui m'emmerderait, c'est que les identitaires, après, soient une espèce de mouvance dont le sport préféré, c'est de cracher sur Alain Soral ou sur Jean-Marie Le Pen. Justement, ce n'est pas vrai, en plus. Alors, Alain Soral, c'est pour ça que moi, je te parle de ça, je ne suis pas identitaire. Alain Soral, tu es membre du comité central du Front National. Tu as vu le dernier texte de Fabrice Robert qui disait... Il est le fruit d'une longue discussion entre nous, le fruit de dialogues entre nous qui sont sur notre site Égalité et Réconciliation. Et moi, quand j'ai dit on va faire un dialogue avec les identitaires, des gens m'ont dit... Je ne parle pas du dialogue. Quoi. Ce sont nos frères. Je veux dire, nous avons... Quand il y a Besancenot, Sarkozy, Simone Veil, qui sont en train de nous pointer avec leurs gros fusils à gros calibre. Mais alors comment on a deux tunnels et on est assis au milieu et on va se chicaner. Ça on a compris, mais comment tu envisages c'est de travailler ensemble? C'est ça que j'aime pas dans l'extrême droite. Souvent tu peux parler, ça ne sert à rien. Guillaume, ça me rappelle un peu là. D'accord, très bien. J'aimerais t'entendre. Quelle place tu envisages alors pour les identitaires dans la politique? Je pense que les identitaires ont toute leur place dans la mouvance nationale et sans doute à terme toute leur place au Front National comme une sensibilité du Front National, notamment dans des régions qui ont des spécificités. Parce que moi, je crois que la politique parisienne du Front National doit forcément être, entre guillemets, adaptée pour la région niçoise et l'Alsace. Car donc, ce sont des marches de la France. Au Front National, alors, actuel, là-dessus. Comment? Il y a un problème au Front National à l'heure actuelle là-dessus. Il y a des problèmes, évidemment qu'il y a des problèmes. Mais moi, je pense qu'il y a, on peut pas, par exemple, décider d'un discours Front National à Paris et dire que les Niçois doivent leur prendre tel quel. Nice a été adjoint à la France après les Antilles, comme vous le savez. Et moi, en tant que Savoyard, d'ailleurs, je suis plus Niçois que n'importe quel Niçois, parce que je suis Savoyard. Et je sais très bien que Nice, c'est particulier. D'ailleurs, il y a des questions identitaires en Alsace. Et à Nice, c'est pas pour rien, car ce sont des marches. Ce sont des marches de la nation française. C'est normal que les Alsaciens, compte tenu de leur histoire réelle, n'aient pas à se positionner sur l'Île-de-France. Et d'ailleurs, je dis moi aux identitaires que le discours identitaire niçois n'a aucun sens en Île-de-France. Oui. C'est beaucoup plus... L'histoire est différente. Oui. Donc, je suis pour de la subsidiarité idéologique. C'est-à-dire que dès lors qu'on a fait une base nationale sur le politique, on doit après dire qu'est-ce que c'est que le Front National à Nice. C'est-à-dire, après, il y a le cahier régional, quelque part, exactement comme une revue bien faite. Les spécificités, et ça, je suis totalement pour. Parce qu'effectivement, être alsacien, c'est être alsacien. Hein, je veux dire, c'est pas être d'Île-de-France, comme être breton, c'est être breton. Et ça, c'est un travail qu'on devrait faire, mais c'est un chantier, et c'est un chantier qu'on doit faire tous ensemble avec de la bonne volonté. Et si c'est dommage qu'il n'arrive que maintenant, si vous voulez, au bout de 30 ans d'existence du Front. Ça. Oui, mais ça, c'est aussi le côté d'extrême droite, c'est de toujours être dans la nostalgie. Ah, pas du tout. Des défaites passées. Je suis pas. Je suis pas du tout nostalgique. Je suis toujours dans l'espoir de l'avenir. Parce que c'est vrai que je suis le côté progressiste. Alain, je suis parfaitement réaliste, je vis pas ma vie avec un rétroviseur. Donc quand je te dis c'est dommage, je dis que potentiellement on a gâché des forces, du temps et une très belle machine qui était le Front pendant un moment. Et pourquoi beaucoup de gens qui sont ici d'ailleurs en sont partis à un moment, c'est qu'ils n'y trouvaient pas ce dont on est en train de discuter, c'est-à-dire de véritables projets, et même l'élaboration d'une doctrine souple. Moi je suis Alain Soral, je suis membre du comité central du Front National, je suis conseiller de Marine Le Pen, conseiller de Jean-Marie Le Pen, et je vous dis, nous allons reconstruire un Front National infiniment plus intéressant que celui d'hier, infiniment plus efficace, infiniment plus en prise avec les problèmes de demain, et nous allons le faire tous ensemble, et... À la limite, on n'a même plus besoin de parler des occasions ratées de 1974, ouais, on 1980, est d'accord. Etc. Or, il y a une tendance, l'extrême droite est très souvent passéiste sur les racines, sur l'origine, plutôt que sur... Ce n'est pas une idéologie prophétique, on est souvent sur les ancêtres, sur l'origine, et on est parfois piégé un peu par cette vision du monde qui est un peu c'était mieux hier, où le monde est un lent déclin, qui est la vision heideggerienne. Personne ne croit qu'il y a un âge d'or. Soyons des révolutionnaires conservateurs et non pas des simples réactionnaires. Rien n'est foutu. Il y a personne qui pense à ça. Arrêtons de parler des occasions ratées du Front de Yamaha. Je suis d'accord. Mais construisons maintenant ensemble le Front de demain qui pourra. On a une question sur la MSN justement, histoire de construire ensemble ou pas. Se battre pour les Français, mais qu'est-ce qu'un Français à l'heure actuelle en 2008? Tout ça, c'est à redéfinir d'ailleurs. De Benoît en parle très bien. Qu'est-ce que l'identité? Qu'est-ce qu'être Français? Est-ce que ça a toujours été la même définition? Non, les mecs, bien sûr. Il y a un travail d'inventaire à faire. La métaphysique au niveau de l'histoire, des origines, c'est que quand est l'origine? Est-ce que c'est Capet? Est-ce que tu vois, c'est nous, on ne dit pas le contraire. On doit débattre, on doit faire avancer les choses. En réalité, l'identité française est en permanente reconstruction sur une... C'est aussi un projet permanent. Si ça n'est qu'une nostalgie et la tentative de sauveté, c'est un travail d'antiquaire. C'est-à-dire, nous ne faisons pas de la restauration de vieux meubles. C'est de l'historiographie. Comme disait Faye, c'est à la fois des installations. Nous devons aller. On n'a pas une conception essentialiste et figée de la chose. En fonction des rapports de force mouvants et de l'évolution du monde, notamment par exemple la chute du mur de Berlin, tu vois, dès lors que le mur de Berlin est tombé, l'anticommunisme rabique n'a plus beaucoup de sens. On n'en piétine pas un cadavre. Donc, moi, que les gens vous disent, vous comprenez, avec vous, on ne pourra jamais rien faire car vous êtes du camp des bolchos. J'ai entendu des gens dire ça, mais je dis, mais crétin. Je veux dire, moi d'abord, je suis né après tout ça. Encore une fois, et on va pas autour de ces deux tables qui vont te trouver. Non, mais j'ai tout ça, ça fait partie de ce piège. On va pas refaire avec le rétro, mais pour parler d'une paroisse que j'ai bien connue, Troisième Voie, on nous traitait de gauchistes, nationalistes. Alors, il y avait déjà ce problème. Le problème est récurrent, tu en parlais tout à l'heure hors champ, c'est ce conservatisme tirant vers la droite en permanence, duquel il faut désancrer le modèle. nation. Donc on est d'accord que la nation n'est pas une vieille dame à sauver. Mais pas du tout. Pas du tout d'ailleurs. Un colosse en pleine santé. Non plus. À entraîner et à faire progresser comme un champion. On est parfaitement d'accord. C'est que moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'on peut faire demain. Parce que moi j'ai de très beaux souvenirs. J'ai toujours été dans le combat, quel qu'il soit. Et je me dis quel est le combat des 20 prochaines années. Oui. Et moi ce qui me fait chier, c'est rencontrer des gens qui disent on ne va rien pouvoir faire ensemble. Parce que c'est un peu le truc de la razzia. Parce que ton arrière-grand-père a manqué de rester rossé. On est dans les trucs, dans les histoires corses. Les Albanais. Ils confient des mémoires. On va rien pouvoir faire ensemble, machin. Tu sais qu'en 1982, machin a dit un truc. Et souvent, les gens qui se détestent aujourd'hui ont travaillé ensemble pendant des années. Je ne vais pas citer des noms. Oui, bien sûr. On a vu ça, ça fait 20 ans qu'on voit ça. Et ça, c'est un peu le défaut de votre camp historique. Oui, bien sûr. Mais évidemment. Que vous avez en commun avec les trotskistes, d'ailleurs. Oui, beaucoup de chapelles, d'ailleurs. Des chapelles marginales, des chapelles. Et j'ai cette chose à amener, c'est d'abord le sens de la solidarité, le sens du. Ce truc genre, on a une doctrine, on marche ce côté un peu. Là aussi, c'est un peu fini, ça, Alain, au PCF. Non, c'est fini, c'est pour ça que je suis parti. Ouais. Pourquoi je suis parti du PCF? C'est pas parce que je suis devenu anticommuniste, c'est parce que ce que j'aimais bien au Parti communiste français, c'est-à-dire ces Français patriotes de culture odiaresque qui avaient un certain charme pour ceux qui allaient à la tête de l'UMA et qui n'étaient pas du tout les trotskistes. Tu vois, c'était des Gaulois fiers de leur pays et qui bossaient et à qui on la faisait pas, ce qui fait que les gauchistes les ont traités de beaufs et ridiculisés pendant 30 ou 40 ans avec l'histoire du beauf de Camus, etc. Faut oublier que c'est l'extrême gauche qui s'est payé le mec du PCF. Mais elle a toujours des doutes, d'autant plus quand ils sont passés au front après. Oui, en plus, ils ont été quantitativement le plus gros électorat du front depuis 20 ans, à mon avis. Donc c'est pour ça que n'ayons pas toujours une lutte... Quand je dis aux gauchistes crétins, vous avez une lutte antifasciste de retard, n'ayons pas, dans le camp national, une lutte de retard, je ne sais pas comment on pourrait la nommer, mais une lutte de retard. C'est pas une lutte de retard, mais il y a énormément de questions sur la redéfinition du projet. C'est ça qui est, à mon avis, le plus prégnant et le plus tendre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vision du monde, comme tu le disais. Non, mais... Ça, c'est un problème de vocabulaire. Le jacobinisme historique et intégraliste. Ça, c'est juste un problème. Et la France de Barrès, la terre des morts. Ça n'a jamais été présenté comme cela. Il y a deux projets tels qu'ils sont formulés actuellement, notamment dans le débat qu'il y a eu entre toi et les identitaires, qui demandent à être discutés, à être approfondis. Tu remarqueras que dans le débat avec les identitaires, c'est pour ceux qui l'ont lu, on voit très bien qu'il n'y a pas des jacobins intégralistes et des racialistes. C'est absolument pas vrai. On se retrouve d'accord sur des tas de trucs. C'est complexe, c'est dialectique. Simplement, aujourd'hui, je pense que l'Empire à un projet aujourd'hui qui est en train de se mettre en place et ils se dépêchent d'ailleurs parce qu'ils ont une fenêtre de tir qui est peut-être pas si longue que ça, avec la montée de la Chine, de l'Inde, l'écroulement sans doute avant du dollar et de tout ce qui va avec, et qu'on a une logique, d'empire qui ressemble à tout ce qu'on a lu, à tous ces livres interdits qu'on a lu, logique hégémonique, une gouvernance mondiale, des îlots absolument déracinés, réduits à de purs consommateurs, etc. Et que ça ressemble beaucoup au projet Attali. Bien entendu, on est d'accord. Ce qu'on se la gueule. Dans la désignation de l'ennemi, on a identifié ce problème, on lutte contre ensemble. Oui. Donc nos divergences sont sans doute bien moindres que ce qui nous réunit la nécessité de nous unir face à l'ennemi commun. C'est comme à un moment donné les Athéniens et les Spartes face à l'invasion assyrienne. À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent de se poser la question de savoir ce qui les différencie. Mais c'est Perse, c'est un provisoire d'histoire. Les Perses, excuse-moi. Parce que c'est la Syrie, la Syrie, c'est pas grave, mais bon, c'est pas grave. Pire perse. Voilà, c'est de se dire, est-ce qu'on sauve la Grèce? Là où Hérodote parle des Européens. Qui ont combattu la vision athénienne et la vision de Sparte. Toi, c'est un peu ça le débat. Non, il est d'accord. Tu es Sparte, je suis Athènes. Parce que, on va dire, on va aller loin dans le truc. Non, ça n'empêche pas qu'on les identitaires seraient des Spartiates. Et moi, je serais un Athénien. Et on s'engueule alors qu'on a le. C'est pas la question de s'engueuler. On a les Perses qui vont nous tomber sur la gueule. C'est la question de discuter fructueusement entre nous. Quand je dis les Perses, d'ailleurs, je pense pas aux musulmans. Moi, je pense à l'Empire américain. Parce que. Pas du tout à... Oui, mais alors le reproche qu'on te fait, c'est peut-être aussi d'intégrer quelques Perses dans ta réflexion et dans tes éléments. Parce que t'es tombé dans la métaphore du Perse. Pour moi, les Perses, c'est l'Empire américain. Non, mais je plaisante. Mais tu comprends bien le sens profond de la question. Moi, je suis très content d'avoir à égalité réconciliation des gens, effectivement, issus de la mouvance nationale classique. Un type comme Serge Ayoub avec qui je travaille, 30% de Français d'origine maghrébine, patriotes jusqu'à la trogne, bien plus que les petits cons de la technoparade, tu vois, que certains ont pu rencontrer en mondial. Des mecs à cheveux longs issus du trotskisme qui ont compris qu'on était bien plus résistants. Cela dit, quand on regarde les photos de ta dernière intervention à Nantes, c'était largement majoritairement des Africains d'origine africaine. T'es fou allié, toi. À Nantes, il y avait des Africains sur le site de R. Non mais là c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment du fantasme. À Nantes il y avait 110 personnes, il y avait 70% des gens qui venaient du front directement. Alors je sais pas quelle erreur. Et il y avait quelques mecs de cité de banlieue et quelques mecs à cheveux longs issus du trotskisme. C'est les seules photos que vous avez montrées. Je pense que sur 110 personnes, il y avait une quinzaine de Maghrébins et peut-être deux Africains. Et toi, tu me dis d'un seul coup qu'à Nantes, il y avait dans mon public une majorité d'Africains. Mais c'est là que choisissez les photos alors. On va pas faire 20 minutes sur des photos. On invite les auditeurs à poster les fameuses photos en question. J'ai pas parlé d'Africains d'origine. Mais là, je veux dire qu'il y a quelque chose de l'ordre du fantasme. Si vous avez je fantasme pas du tout. Vous avez vu une majorité d'Africains dans mon public à Nantes. Moi, j'ai pas vu. J'ai pas regardé. Il y a pas. Même il y a pas de fantasme. Il n'y a même pas une majorité d'Africains dans le public de Dieudonné au théâtre de la Main d'Or, si tu veux. Je veux dire, oui, ça oui. Il peut importe du public, tu sens. C'est, non, mais ouais, mais il est pas là, c'est là qu'il faut sortir des fantasmes. Les mecs, d'un seul coup. Nous, ça fait longtemps qu'on y sort. Le mec, il voit des Africains partout. J'y peux rien. Il y avait deux Africains. Voilà, sur une photo, il y a, attends, il y a 110 personnes sur la photo. Non, il y a mais non, mais on fait un ratio. Je n'étais pas à Nantes, mais sur les photos que vous montrez. Bah, c'est ça. Non, mais bon, non, mais de toute façon, c'est pas. Tu sais, alors, je vais faire un peu. On parlait de discuter de sexe des gens. J'ai donné une conférence. Allez, toujours condescendant. Je suis condescendant et j'ai des raisons de l'être. J'ai donné à Nantes une conférence organisée par le Front National. Oui. Une conférence en tant que membre du comité social du Front National. Je mets sur mon site Égalité et Réconciliation plusieurs photos, dont une photo où il y a des gens d'origine africaine et Maghrébine autour de moi. C'est quoi le message? Désolé, c'est quand j'ai une réunion du Front National avec un général, on a même des gens issus de l'immigration. Mais je veux dire, sur les 110 personnes qu'il y avait, il y avait une majorité de gaulois. Non mais l'idée derrière, c'est à qui tu t'adresses finalement? Oui, les photos, on s'en fout. Le problème, c'est d'ailleurs, c'est pas le problème. Je m'adresse à tous les patrons de bonne volonté. Voilà, comment tu définis ton projet? Oui, c'est ça qui m'intéresse. Je m'en fous des photos. Réconciliation nationale, c'est marché. C'est alors, marché. Qu'est-ce que tu mets derrière réconciliation nationale? C'est-à-dire que tous les gens, là-dessus, Hollande, dont on parle souvent, les gens qui sont d'accord pour être d'honnêtes patriotes et se battre pour la France en termes de nation, en termes de culture, etc., sont les bienvenus. Compte tenu du fait que souvent certains sont nés en France, sont français de papier pour l'instant, et en plus le sont de cœur, et issus de notre ancien empire colonial. Donc moi j'estime que les gens issus de notre ancien empire colonial qui sont français de papier et de cœur, je ne me sens pas ni le droit moral, ni le droit stratégique de leur cracher à la gueule. Voilà, c'est tout. Et là-dessus je suis en phase avec Jean-Marie Le Pen et avec Roger Hollande. Sur la question n'est pas de leur cracher à la gueule. Et je dis que ces gens-là, contrairement si c'est à ce qu'on projet ou pas, c'est tout. Sans personnalisation des trucs, et ces gens-là ne correspondent, ne constituent pas 80% de notre effectif. Ouais, mais la question que j'ai à te poser là-dessus, c'est que comment eux définissent-ils leur patriotisme? Est-ce que c'est véritablement le même? J'ai pas d'hostilité a priori, je suis pas. Mais comment tu veux le tester? Je suis pas. Non, mais je comprends. Il y aura une guerre alors. On est bien d'accord. On a déjà eu des guerres, et je crois que le patriotisme d'un certain nombre de communautés. A déjà été vérifié. Prouvé. Oui, voilà. Ouais, mais on a la réponse. Ouais, mais on était dans tu l'as dit, on était dans l'empire colonial. Quand tu parles encore à des Dakarois. Et c'est un fils de pied noir qui te le dit, avaient-ils tous le choix de. La blessure des pieds noirs, je la connais. Non, mais je m'en fous. Et souvent, elle est très rabique sur certains sujets. Je suis pas nostalgique, je dis au contraire, est-ce que les gens des troupes coloniales avaient vraiment le choix de l'endroit où ils allaient? Et le français moyen qui reçoit sa feuille. On est bien d'accord. Tu connais un mec qui fait. Les mecs qui te disent j'ai fait la guerre parce que je le voulais, c'est les engagés volontaires. Les trois quarts, ils font exactement ce qu'ils font à l'usine et au plumard et à la cantine. Ils ferment leur gueule, ils font ce que leur dit. On est bien d'accord. Comme moi, on est bien d'accord. De choisir leur destin, mais c'est rarissime. Mais et Alain, peu de gens Alain, le souhaitent en plus. Alain, quand as-tu on prend les moyens de choisir ton destin. Alain, comment as-tu vraiment le moyen de choisir ton destin? Je prends des risques, Alain, pour choisir mon destin. C'est Alain, ce que je voulais dire par là. Les trois quarts des gens suivent la pente, entre guillemets. Alain, ce que je voulais dire, c'est la réalité. Ce que je voulais dire à ce propos, Alain. Les tirailleurs sénégalais qui ont accepté la conscription l'ont accepté exactement comme les Français de souche. Oui, d'accord, sauf que les tirailleurs sénégalais. Et peut-être une autre envie ou une autre idée de leur destin, à savoir fonder leur propre nation et répondre à l'appel de leur propre population. J'ai des gens qui viennent à moi et qui me disent je suis un patriote, j'en ai marre des voyous de banlieue, je viens de la banlieue, j'aspire à travailler, à amener quelque chose à la France, à mon pays, à me marier, à faire deux gosses et à pouvoir m'acheter un pavillon. Je suis un patriote, je mouille le maillot, j'aime le drapeau. Moi l'autre jour je parle à un mec, je dis tu viens d'où toi? Il me dit je suis Berrichon. Tu vois, déjà moi je suis dans le soupçon, tu vois. Ouais. Oui, je suis Berrichon et depuis trois générations. Un mec comme ça, je l'embrasse sur les deux joues. Je vais pas lui faire un test ADN et un test de vérité pour savoir si vraiment c'est un bon français. J'ai pas dit le contraire. Je veux dire, ce qui me fait chier souvent, c'est que quand j'entends ça, c'est soi-disant bon français qui me donne des sons de francité. Était polonais il y a deux générations. Oui, mais bien sûr, mais il y en a plein. Etc. C'est-à-dire qu'ils étaient pieds noirs et en plus, avant d'être pieds noirs, ils étaient portugais. C'était même pas français. Bien sûr, ou italien, européen. Donc, les Corses. Les Européens. Si l'Europe avait existé, on n'aurait pas eu les deux guerres mondiales, la perte d'Albion, etc. L'Europe. Pas les conflits de famille, les guerres civiles. Bien sûr. Si l'Amérique a pris le leadership au monde, parce qu'on a tellement con qu'on s'est ils ont fait une guerre civile aussi, hein. Non, non, mais je veux dire, c'est pas ça. Arrêtons de croire que l'Europe blanche est une fraternité bisounours. Je veux dire, on a pas dit ça. Nous sommes exterminés entre blancs européens depuis des millénaires. Donc de penser à un moment donné que le problème est exogène et qu'il suffirait qu'on soit entre blancs pour que ça aille bien. On a dit ça. On a dit ça. Personne n'a dit ça. Non, mais non, mais non, absolument pas. Mais par exemple, De Benoît dit une chose intéressante là-dessus. Je n'ai jamais entendu un mec de banlieue me dire du mal de Le Pen. Il dit ce mec-là est un patriote, c'est un gaulois. C'est une question de chaque fois que j'ai entendu cracher sur Le Pen, c'était un petit français de gauche, tu vois. Oui, mais il y a toute une éducation. Il y a même une certaine logique. Donc moi, je ne crois pas à l'idéologie. Je ne crois pas à l'idéologie du mélanome. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y a pour être un bon gouvernement. Mais on vénère la... C'est une condition qui est importante. Alain, Vénère l'a très bien dit dans... Elle fait pas tout, bien sûr, elle ne réduit pas tout. Vénère l'a très bien dit dans le siècle de 14, on peut pas tout réduire au matérialisme biologique. Et ça, on est parfaitement d'accord. Il n'y a pas un problème là-dessus. Que... Maintenant, dire qu'un patriote, c'est quelqu'un qui veut forcément s'intégrer et travailler, est-ce que c'est la condition suffisante pour en devenir un? Ouais, bah les Italiens sont devenus de très bons patriotes. Oui, mais c'est des Européens apparentés sur le plan de la culture. On est... Encore une fois les Berbères sont racialement plus loin de nous en termes de génétique. Pas tous. Vous rentrez dans les discours que vous croyez dumésiliens. On n'est pas dans du Mésil. C'est compliqué, parce qu'on se rend compte finalement que le Maghreb a un lien avec notre histoire. Bien sûr. Les Vandales, bien sûr. Certains mecs du Nord aux yeux bleus, qui sont beaucoup plus éloignés de nous, même en termes d'histoire de l'Europe, si l'Europe a été créée. Bien sûr, on peut dire que les Suédois sont une tête de pont des Américains, mais oui, d'accord. J'adore ces discussions en termes d'érudition et de. Mais non, c'est pas de l'érudition, justement. Moi, depuis le début, Alain, c'est pas de l'érudition. Ce que je cherche à dire, c'est. Tu méprends. Un Français d'origine maghrébine et de religion musulmane ne peut pas être un patriote. Faux, j'ai pas dit ça. Je dis que c'est plus difficile, peut-être. J'ai pas dit ça, je dis. Mais il y a tellement longtemps que les Français Jarret du Berry catholiques sont anti-français, et il y a tellement longtemps que l'Église catholique déteste le Christ, et que quand je suis allé voir le film de Mel Gibson, diffusé en France par Tarak Ben Amar et fabriqué et fait par un Australien, ceux qui ont le plus chié sur ce film, qui a fait plus pour le catholicisme en une heure et demie que les évêques de France depuis Vatican II, ce sont les évêques de France, ils croient. Donc ça, c'est une réalité dialectique. On n'a pas besoin des Maghrébins et des musulmans pour détester la France, c'est ça le problème. Bien sûr que. Et moi, on est bien d'accord. Là sont d'accord pour aimer la France avec moi et qu'en plus ils sont un petit effectif. C'est pas suffisant. J'ai pas dit que c'est suffisant. Je dis que je ne me polarise pas, je ne me focalise pas sur refuser le ticket à des patriotes. Mais colorés, je parlais pas de refuser le ticket. Pas du tout, Alain. Le seul fond de ma question, c'était de te demander quel contour tu mettais à tout ça. Moi, j'ai pas de Céline. J'ai pas de sous-entendu, Alain. J'ai pas de sous-entendu. C'est vraiment une question. La raison de la révision, elle est celto-belge, je suis très proche. Je suis très proche de Céline dans mon fort intérieur. Je ne pense qu'il ne devrait y avoir de Français que les mecs comme moi, de plus d'1m85, blonds aux yeux bleus. Et toi, en tant que petit brun, tu es ce qu'on appelle un arbonoïde. Et pour moi, déjà, tu n'es pas un Européen. Je pense que tu es un nègre. Et je pense qu'en plus, que tes ancêtres ont été violemment violentés par une armée qui a été repoussée du côté de Poitiers. Et je suis pas sûr. Composé de Visigoths. Pas de bol, Alain. Voilà à quoi peut mener ce genre de discussion. Pas de bol, Alain. Ma mère est d'origine italienne, donc tu vois. Non mais voilà. On va dérouler le génome, mais vous en êtes pas. Sortons le pied à coulisses, vérifions le profil, la face. Je m'en fous. C'est pas le problème. Je parle de destinée commune. Tu dis que l'Europe n'a pas existé, que l'Europe s'est foutu sur la gueule. L'Europe n'est pas une fraternité. Je dis une chose. Alain, je te dis une chose. Excuse-moi, mais De Benoît disait quelque chose d'intéressant. Il disait que on peut se foutre sur la gueule quand on se reconnaît les qualités d'adversaire. Même sur la civilisation européenne, il y a beaucoup à dire. Je pense qu'on parle de civilisation européenne, mais aussi de civilisation méditerranéenne. Et je suis pas sûr qu'un Berner. Il y a plusieurs Europes. De moi. Qu'un Danois, je veux dire. Moi, j'en suis assez sûr. Non, Hervé Couteau-Bégari dit l'Europe, c'est quoi? C'est la chrétienté. C'est là où se combat le cathédral, on est dans l'Europe. Et le fait qu'il y ait eu ces liaisons entre toutes les cours aristocrates, que ce soit d'Autriche, de France ou de je ne sais d'où, ça a constitué, qu'on le veuille ou non, une Europe. Oui, mais d'abord, on parlait tout à l'heure de l'histoire de toujours être sur le passé. Puisqu'on en parle, monsieur. Non, mais aujourd'hui, on est l'avenir. Pour fonder l'avenir, il faut faire un événement qui dirait que ça, c'est la merde. En fonction des modifications qu'elle a subies et qui sont. Justement, elle subit toujours. et qu'il faudrait positiver. Donc moi, je vois très bien que votre projet, je le comprends très bien, je le dessine bien plus, c'est si on pouvait, à un moment donné, rejeter des gens à la mer, on le ferait. Mais qui est non, ça, mais qui est non. Qui, où, quand? Je le sens. Les trucs qu'on pense pas, donc ça devient c'est difficile. Alors, je crois pas qu'on parle. Ça, ça s'appelle du procès d'intention. Moi, on parle, moi je parle... C'est assez marxiste, pour faire de ma mauvaise foi. Ce que tu écris, ce que tu dis, sans arrière-pensée. D'abord, quand vous dites l'Europe, c'est l'Europe chrétienne, c'est moi, il me semble que Jésus... Moi, pour moi, qui a dit ça? Personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Moi, tu parles païen. Païen, il est païen. Alors, quand on parle d'Europe chrétienne, vous dites païen? Non, il disait pas ça. Il reprenait une définition qui était de dire là où se trouve l'Europe, se trouvent les cathédrales. C'était une définition d'Hervé Couteau-Bégari, qui est un peu le monsieur stratégique en France. La cathédrale est un phénomène que j'ai inventé. La christianisation de l'Empire romain n'est pas le début du déclin à ce moment-là. On peut le dire aussi. C'est une des questions qu'on peut poser. C'est pas le projet. Moi aussi, je m'en fous. Aujourd'hui, je m'en fous complètement. Honnêtement. Mais la question, c'est de savoir. Tu disais l'Europe n'a jamais existé. Je suis désolé. Comment fonctionnent les forces en présence? Sauver ce qui peut être sauvé. C'est la question que je te pose. Si vous me dites. C'est la question que. Non, c'est pas sauver. Pas forcément sauver tout. C'est surtout bâtir. Moi sauver tout, je m'en fous. C'est le futur. On est d'accord. Sauver tout, ça m'intéresse pas. Tout n'est pas à sauver d'ailleurs, heureusement. Il y a un travail d'énergie. Il y a des choses qui tomberont, ça. Un travail de tri. Le Nietzsche nous a fait un beau clin d'œil là-dessus. Parce qu'on fonde un avenir avec. En se reliant au passé, c'est clair. À l'esprit du passé, ce qui est positif, mais ouais. Donc. On est d'accord là-dessus, oui. Oui, moi simplement. Mais tu nous prêtes des discours, des arrière-pensées, mais non, qu'on n'a pas. Je vous le dis franchement, j'aimerais revenir à la France des années 60. Si je peux, pas moi. Dans le temps. Mais pas moi, je suis très bien dans la France de 2020. Parce que mon père l'a pas forcément beaucoup aimé dans la France de 2020. Il avait 20 ans dans les années 60. Si j'avais pu éviter le regroupement familial et tout ça, je serais très content d'en éviter. Maintenant, ça a été fait, c'est un état de. C'est une situation là réelle. C'est comment gérer le problème pour que la France existe encore, faire qu'il y ait un maximum de patriotes, de gens solidaires, de gens qui aient le même projet, la même vision, que cette vision corresponde à l'idée que je me fais de la France et l'amour que j'en ai, et d'éviter qu'il y ait le moins possible d'ennemis et de gens qui haïssent la France en France. Or, parfois la brutalité d'un certain discours identitaire ne donne aucune chance aux mecs de venir vers nous, mais au contraire, leur donne à croire qu'il faut absolument qu'ils soient les ennemis de la France, les ennemis des enracinés, etc. Alors que souvent c'est sur un quiproquo, voilà. Non mais moi j'ai une politique de main tendue entre guillemets que j'appelle réconciliation nationale, mais ça veut pas dire que je suis pour. Non mais que j'ai une vision bénéfique. Alain, il faut pas amalgamer un discours et un débat nécessaire et constructif et cordial avec des problèmes éventuellement entre structures, des problèmes de personnes, bon effectivement qui se crispent. Telle n'était pas nos questions. D'ailleurs, c'était la question que je te posais tout à l'heure. C'était de c'était exactement ce que tu viens de dire. C'est pas de dire tiens il y a tel mec qui veut revenir aux années 60, etc. C'était comment tu portes le projet aujourd'hui. Moi je vous dis je ne pense pas que l'immigration soit une chance pour la France ou qu'elle ait été une chance pour la France. Je ne suis elle pas pour le chance pour personne. Je ne suis pas pour le métissage, y compris pour les immigrés, hein. Ça a été une horreur. Simplement maintenant c'est comment sauver la France, voilà, c'est tout. En fonction et je dis pas forcément d'ailleurs que ça me plaît. C'est comme si à un moment donné on te donne on te dit, voilà, tu vas peindre un tableau, on te donne 3-4 couleurs, t'aurais bien aimé avoir d'autres couleurs possibles, mais t'as que celle-là. C'est qu'en fonction de la réalité telle qu'elle est et telle que nous la subissons, comment éviter déjà l'écroulement total de la France? C'est-à-dire que moi, j'ai peur surtout que la France disparaisse, tu vois. Et avec qui travailler? Hiérarchie des dangers, la hiérarchie des priorités. Voilà, mais c'est ça, c'est ça la politique. Mais c'est ça mes questions, Alain, depuis tout à l'heure. On repart sur tes questions juste après, on va faire une petite pause musicale, voilà. Si tu vas sur égalité réconciliation et que. Comme je dis à Olivier Besancenot, hein, petit merdeux, je te prends quand tu veux, hein, tous les deux, sur un ring, puisque tu fais de la boxe. C'est ton vrai prénom, Steven ? Oh, par contre, je viens de prendre quand tu veux hors caméra. Voilà. Alain Soral. Ce soir de 22h à minuit dans l'émission Derrière ta porte sur Radio Première. C'est une menace, c'est une proposition. Déjà, il parle français déjà. Nous reprenons notre émission Derrière ta porte, Radio Bandira Nera Paris, tous les mardis soirs de 22h à minuit. Nous recevons Alain Soral. L'émission va durer un peu plus tard que d'habitude. C'est un petit peu agité juste avant la chronique de Mademoiselle S. On va essayer de structurer un petit peu tout ça avec des questions plus précises que vous avez préparées en cuisine, je crois. En cuisine, oui, c'est un bien grand mot. Non, je crois qu'effectivement, on était en train de parler de restructuration du discours, restructuration de la doctrine. Principe de combat, organisation matérielle, physique et intellectuelle. Donc, comment, par quoi on peut commencer? Quels adversaires doit-on prendre en première ligne? Qui sont nos adversaires selon vous? Oui, parce que déjà, je faisais remarquer que pour moi, faire de la politique, c'est déjà hiérarchiser les causes premières, les causes secondes, les ennemis principaux, les ennemis secondaires. Enfin, c'est de faire, en fait, de classer, hiérarchiser. Et d'ailleurs, ça résume ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on a face à soi un empire aussi agressif que l'est l'Empire, les petites chamailleries avec des gens qui sont pas tout à fait positionnés comme vous par rapport à l'idée de la nation, etc., c'est secondaire. Et être capable de mettre le principal avant le secondaire, ça s'appelle être le sérieux. Ça s'appelle même la maturité, ça s'appelle faire de la politique sérieusement. Or, souvent, ces fondamentaux-là ne sont pas respectés. Hein. C'est-à-dire qu'on fait passer le secondaire, qui nous touche d'ailleurs pour des raisons de copinage, parce qu'on s'engueule avec ses potes du bistrot, on fait passer le secondaire avant le principal, et un peu selon l'adage que les pires disputes sont dans les familles, entre guillemets. Hein, donc on s'engueule d'autant plus qu'il n'y a plus grand-chose à bouffer, c'est-à-dire que c'est ça qui est terrible. Donc moi j'essaie d'échapper à tout ça, c'était un peu ça mon message depuis le début, qui a été mal compris, là, parce que c'est un peu confus, c'est que l'heure est trop grave, l'Empire est trop puissant, et nous sommes trop affaiblis pour que nous ayons le temps de nous engueuler entre identitaire et égalité réconciliation. C'est ça que je voulais dire. Nous avons le devoir moral, si nous avons une certaine conscience politique et un certain sens de notre mission, de nous entendre coûte que coûte. Voilà. Et je pense en plus que ce n'est pas insurmontable. Donc voilà. Donc moi, je suis là au Front National et puis je suis là en tant qu'écrivain pour produire de la doctrine. C'est ça mon idée. C'est que je crois que avant d'avancer, il faut une vision et avant de combattre, il faut savoir contre quoi on combat. Donc moi, ma doctrine, elle est très simple. On entend d'ailleurs en ce moment Marine Le Pen en parler de plus en plus. C'est de dire que face au système qui est, comment dirais-je, l'union sacrée de la droite des affaires et de la gauche bobo, la résistance à ce système, c'est l'union sacrée de la droite des valeurs et de la gauche du travail. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus la gauche et la droite, il n'y a pas le discours d'union des droites n'a pas de sens, mais en revanche, il y a une droite d'affaires qui est la pire ennemie de la droite des valeurs et qui l'a d'ailleurs historiquement liquidée, et une gauche du travail qui a été récemment trahie par la gauche bobo. Voilà. Et il se trouve qu'on peut le vérifier par les faits, c'est le gouvernement Sarkozy, c'est même le mariage Sarkozy-Carla, la princesse bobo qui épouse le roi de la bourgeoisie financière et cosmopolite. Alors, c'est-à-dire autant, que face autant à... au niveau de la droite des valeurs, on comprend un petit peu... Non, justement, moi je... Non mais attends, d'abord j'aimerais qu'il puisse finir sa phrase. Dis-moi ce que t'as pas compris, comme ça je pourrais répondre. Non, c'est préciser au niveau de la gauche du travail quelles sont les propositions à venir du Front National. C'est pas une proposition, c'est de dire que la France qui doit être sauvée demain, en termes de production, parce qu'on peut parler aussi de ça, ça sera forcément l'union sacrée de la petite et moyenne bourgeoisie entrepreneuriale et des travailleurs, parce que ces deux catégories, petite et moyenne bourgeoisie et prolétariat, sont liquidées par les délocalisations et par la logique financière. Donc, sont liquidés sur le plan du travail, et en plus ont les mêmes valeurs, car ce sont en fait la gauche populaire et la droite populaire, ils ont les mêmes valeurs, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'enracinement, parce qu'un patron de PME, c'est un entrepreneur enraciné. Il faut pas oublier que les moyennes bourgeoisies sont toujours locales, et elles produisent locales, c'est le tissu des PME-PMI. Donc on a des raisons, je dirais, sociologiques, des raisons économiques et des raisons politiques de marcher la main dans la main. Or d'ailleurs, on voit bien que c'est sans doute une réalité inquiétante pour le système, car le système fait tout, et depuis longtemps, et on va dire même depuis les engueulades entre Proudhon et Marx, pour ceux qui ont une certaine culture, et depuis même la problématique de Sorel et de Berthe, etc., c'est de nous dire en gros que la petite bourgeoisie n'a rien à faire avec le prolétariat, en gros, et que la petite bourgeoisie est solidaire consubstantiellement de la grande bourgeoisie. Or, je pense que, d'abord, tout ça est dialectique, mais qu'aujourd'hui, c'est absolument faux. C'est-à-dire que la grande bourgeoisie financière est mondialiste et parasitaire, et détruit de l'entreprise et de l'emploi, et que la petite bourgeoisie entrepreneuriale mise en danger par la droite bourgeoise financière cosmopolite et solidaire de la gauche du travail, puisque c'est elle qui crée les emplois. On le sait que ce sont les PME qui créent les emplois, et qu'en fait aujourd'hui le petit patron est un travailleur qui se bat pour protéger ses salariés, et que là on se rend compte que la pauvreté du discours d'Alette Laguiller n'a plus de sens, car aujourd'hui il y a beaucoup de patrons qui sont des travailleurs, et il y a par contre pas mal de travailleurs, si on pense par exemple au facteur Besancenot, qui se comportent comme des patrons, c'est-à-dire qui sont en fait des rentiers de la fonction publique, et qui sont beaucoup moins en danger, parce qu'il faut savoir qu'un petit patron, quand il dépose le bilan, n'a pas le droit au chômage, alors que ses salariés ont droit à un ou deux ans de chômage. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut refaire cette sociologie des rapports de production, qui produit aussi de l'idéologie, de la cohérence, des logiques d'alliance. Et moi, je vais revenir, mon discours il est simple, il n'y en a pas 36, et ça doit être celui du Front pour les 15 prochaines années. C'est le Front National, c'est l'union sacrée de la droite des valeurs et de la gauche du travail contre la droite d'affaires et la gauche bobo. Voilà, hein, et je peux vous le décliner autant que vous voulez. Et cette gauche du travail et cette droite des valeurs sont d'ailleurs enracinées, productives, morales, sont totalement compatibles, parce que il y a la morale du travail, du travail réel, hein, du travail productif, et en revanche il y a une connivence des parasites de l'autre côté, qui est le parasite de la bourgeoisie financière dont les revenus sont basés sur du faux travail et sur de la destruction de travail, et puis il y a le bobo qui est dans une même type d'économie et même de relations parasitaires, et qui sont pour moi les deux vecteurs de l'immoralisme. D'ailleurs on voit bien que l'immoralisme qui correspond à la finance bourgeoise a besoin de l'immoralisme de la bobo, en sachant que la morale étant un frein aujourd'hui à l'économie de marché néo-capitaliste et financière, cette bourgeoisie incarnée par Sarkozy a besoin de l'immoralisme transgressif gauchiste aujourd'hui comme alibi, c'est-à-dire que finalement c'est l'alliance implicite Cohn-Bendit et CAC 40, c'est soi-disant tous ces gens-là luttent contre la vieille morale bourgeoise, hein, c'est de dire... Quelle méthode, quel moyen pour s'organiser face à deux localisations? Il y a le coût de la main-d'œuvre qui est une réalité. Certains proposent. C'est une réalité. C'est une réalité dans une logique mondialiste de libre circulation totale. Alors, comment on fait? Là, la nation peut réavoir une nécessité. C'est-à-dire que ça veut dire déjà que l'UE est en fait la dictature de l'Organisation mondiale du commerce et a pour but de. En fait, on est. Si je veux simplifier et revenir marxiste, nous sommes dans un monde qui subit ce qu'on appelle l'expansion de la logique libérale, dont la fonction cannibale est de transformer tout en marchandises. C'est-à-dire au début les marchandises, puis les livres, c'est-à-dire les objets culturels, puis à la fin le corps de ta femme et de ta fille. Tu vois ce que je veux dire, hein, c'est ça que je veux dire. Et si on parle de politique de civilisation, là il y a hiatus complet, cette extension de la logique libérale, cette logique de la marchandise qui est une épistémologie, qui est une éthique, qui est un imaginaire, et le contraire même de ce que nous appelons les civilisations. Et dans civilisation je mets la civilisation chrétienne ou gallo-romaine, mais aussi l'islam bien sûr, qui est une civilisation, voilà. Donc aujourd'hui quel est le problème majeur dans le monde tel qu'il est? C'est que cette logique de la marchandise, qui est une destruction de toutes les valeurs, et notamment des nôtres, de nos humanités, de cette catégorie qu'on appelait dans le temps l'honnête homme, de la chanson française. On voit très bien que la Star Academy, etc., on voit bien qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas produire un Jacques Brel ou un Georges Brassens. Oui, enfin, c'est fini pour l'instant. Voilà, c'est... Donc, il y a une résistance à ce monstre qu'il faut identifier, qui est la logique libérale. Et quand je dis logique libérale, ce n'est pas seulement une logique, c'est une économie, c'est une épistémologie et c'est une éthique. Et d'abord, c'est ce qu'on appelait dans le temps la logique bourgeoise. Et là, moi, je fais de l'histoire, je dis que cette histoire-là est une histoire de gauche, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire que c'est la vision voltairienne. C'est-à-dire que le libéralisme est une idéologie de gauche qui a triomphé de ce qu'on appelait la droite avant, qui était l'ancien régime, et qui petit à petit est devenue l'idéologie de gauche, puisqu'en fait, elle s'est transformée en espèce de modernité. Est devenue progressivement une idéologie de droite parce que la bourgeoisie, de peur d'être liquidée, s'y est mise. Et le contresens, et comme pour le colonialisme, où on prétend que c'est une idéologie de droite, alors c'était une idéologie historiquement de gauche, c'est qu'en réalité, il faut bien comprendre que, c'est ce que j'essaie des fois d'expliquer dans le camp national, c'est que défendre le monde des affaires au nom de la morale de droite ou de la bourgeoisie, de la vieille bourgeoisie ou même de des élites d'ancien régime est un contresens total, car la logique libérale est totalement fait partie intégrante de la décadence de gauche si on le comprend bien. Et c'est pour ça que je crois, et c'est là où le cercle Proudhon avait un sens, et là je tends la main aux esprits fins de l'Action française, etc., c'est qu'en réalité, la bourgeoisie respectable, que ce soit celle de Paul Valéry, on peut y chercher, de Bernanos, n'a rien à voir avec la bourgeoisie cosmopolite et festive de Sarkozy, mais beaucoup à voir avec le monde du travail, c'est-à-dire le monde de la petite bourgeoisie, de l'artisan, etc., avec le respect du savoir-faire, l'idée de la transmission, enfin, je veux dire, c'est ces deux mondes-là qui sont, quand on parlait de monde, c'est ces deux mondes-là qui sont en lutte. C'est le monde du savoir-faire, de la transmission, de la morale, et notamment de la morale de la production, c'est-à-dire, tu bouffes ce que tu fais, et tu existes parce que tu fais quelque chose. Et qu'est-ce que, la notion de métier par rapport à la notion de gagne-pain. C'est marrant d'ailleurs aujourd'hui qu'on dit, il faut que les jeunes aient un job. Toi, job est une dévaluation totale d'un mot au départ qui correspond à quelque chose qui s'appelle le métier. Il y a des gens dans le temps, ils savaient fabriquer des chaises et des tables en bois. Il y avait des corps de métier. Oui, des corps de métier, bien sûr. Mais on voit bien qu'une des premières choses qu'a fait la Révolution française, qui est une révolution bourgeoise, c'est la loi Le Chapelier, qui est une loi libérale. Et toute l'ambiguïté de la Révolution française, c'est que c'est à la fois une révolution pour le peuple et en même temps une révolution bourgeoise. C'est-à-dire qu'elle est de gauche selon certains critères et de droite selon certains autres. Et il y a dedans déjà dans ce truc-là toute l'ambiguïté de nos discussions stériles. C'est-à-dire que, au niveau de la mythologie, la Révolution française est une religion pour le peuple, donc elle est de gauche, mais en réalité c'est la prise du pouvoir de la bourgeoisie contre l'aristocratie sur des valeurs encore plus abjectes et plus inégalitaires, puisque ça a produit le prolétariat. Voilà, on est d'accord. Donc quand on a admis cette ambivalence et cette ambiguïté des termes de gauche et de droite, on sort de ce piège où des gens passent des années à se branler la nouille pour savoir s'ils sont de gauche ou de droite. Et moi, quand j'entends quelqu'un que je respecte par ailleurs, comme Martial Bill, dire « nous sommes la vraie droite », je veux dire « la vraie droite », ça ne veut rien dire. Vous êtes la droite des valeurs. Et la droite des valeurs a tout à voir avec la gauche du travail. C'est la même vision du monde. Et c'est ce qu'on appelle la France, d'ailleurs. Et la France de Charles Péguy. La France qui peut transcender le lutisme de classe. C'est-à-dire, à un moment donné, des gens peuvent accepter une certaine hiérarchisation parce que cette vision du monde peut produire des élites légitimes et non pas. Et le vrai problème que j'ai moi en tant que mec de gauche historiquement et marxiste, c'est que je ne supporte pas les élites illégitimes. Je ne vois pas pourquoi j'obéirais à quelqu'un qui ne me semble pas compétent. Je ne vois pas pourquoi mes parents se seraient saignés aux quatre veines pour que des parasites puissent aller faire du ski à Courchevel. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ça. Et ce monde auquel nous aspirons tous, je crois, ce monde sain, qui ressemble un peu à un monde idéal d'ailleurs, de chevalerie, qui a à voir avec certaines mythologies celtes, j'en sais rien, c'est un monde d'échelle humaine, qui peut expliquer d'ailleurs pourquoi il y a eu la chouannerie. Alors, parce qu'un monde, je vais finir sur ce sujet, un monde où l'aristocratie était locale et avait et remplissait sa fonction. Sa fonction historique était considérée comme légitime par la paysannerie locale, et ce monde fonctionnait en harmonie et ne voyait pas du tout pourquoi faire une révolution. Or, à Paris, la révolution était crédible à cause de Versailles, de ce qu'avait fait Louis XIV. On est d'accord. Et à un moment donné, c'est-à-dire que l'aristocratie peut être défendue au nom de la chouannerie bretonne, mais mise à bas si c'est le libertinage, qui est un peu la même chose, versaillais. Et le problème, c'est donc de quelle monarchie parlons-nous, c'est vrai, de quelle gauche parlons-nous, de quelle droite parlons-nous. Donc je ne suis pas ni pour ni contre, je suis pour le bien contre le mal. Et en permanence, il faut redéfinir où est le mal, où est le diable, qui sont les bons, qui sont les méchants. Et c'est une histoire qui est en permanence renouvelée. Et la tragédie, c'est d'avoir toujours une lecture de retard sur le réel. C'est un antifascisme de retard, un anti-royalisme de retard, un anticommunisme de retard, et c'est ça le gros travail, tu vois. On l'a évoqué, on parlait des rapports humains, on parlait du rapport au travail. On a une question d'un auditeur qui demande ce que tu penses de la décroissance. Bah, moi, c'est une question que je me pose. Il est évident qu'aujourd'hui, le monde moderne arrive au bout de sa promesse eschatologique et qu'on est face à un échec. C'est-à-dire que aujourd'hui, la vraie question philosophique, c'est la remise en question du progressisme, de l'idéologie du progrès. Et le progrès est dépassé, quoi. Est-ce que le progrès, finalement, c'est tant progressiste que ça? Et moi, j'en parle même au sein du Front. J'ai dit, au moment, il faut arrêter de parler uniquement en termes de PIB. Je veux dire, on est dans un monde. La France, depuis les années 60, nous démontre que l'augmentation du pouvoir d'achat peut s'accompagner de la baisse de qualité de vie. Et le pouvoir d'achat est un critère économiste et d'ailleurs qui participe totalement de l'épistémologie libérale et qui devient un fétichisme et un piège, et dans lequel d'ailleurs souvent des droitards qui se croient ennemis du monde marchand tombent pleinement. Et effectivement, moi je suis pas sûr que la croissance soit la solution. Je pense qu'on peut produire à la fois de la croissance, de l'inégalité, de la pauvreté intérieure et matérielle, et que souvent la course à la hausse du pouvoir d'achat peut entraîner une baisse de qualité de la vie. Or, ce qui existe, c'est la qualité de la vie. Je pense que la qualité de la vie a baissé en France depuis 30 ans. Est-ce que le mot décroissance a un sens pour toi véritablement, ou oui, est-ce oui, qu'on peut y substituer d'autres, Oui, la décroissance, c'est la remise en question de l'idéologie de la croissance, qui est une fuite en avant. Une idéologie illimitée d'un monde fini, quoi. D'un monde oui, qui est une fuite en avant qui pose des problèmes écologiques de plus en plus importants. D'ailleurs, on prend conscience des questions de la croissance. Peut-être trop tard sur le plan écologique. Non, mais on en prend conscience à cause de l'écologie, pas à cause du pouvoir d'achat. C'est très difficile de dire. On est par le réel, quelque part. Oui, c'est très difficile de dire à un mec qui a du mal à joindre les deux bouts que la politique d'élévation du pouvoir d'achat est une erreur. Parce qu'il dit, attendez, c'est un peu à propos de bourgeois. Moi, j'aimerais avoir un peu plus à la fin du mois. Et c'est le piège que tend le monde libéral à tous ces gens-là. Et c'est pour ça que c'est un gros travail pédagogique de faire comprendre à quelqu'un qu'on pourrait, tout en faisant baisser le PIB, augmenter la qualité de la vie. Et c'est un gros travail pédagogique que nous devons faire, car cette idéologie qui venait de la droite des valeurs a été piquée par les gauchistes dans les années 70, notamment avec toute l'écologie. Et ce qui est tragique aujourd'hui, c'est que ces excellentes idées qui venaient du camp, on va dire, de la droite des valeurs, aujourd'hui, on a été dépossédé par les gauchistes, et que c'est aujourd'hui la droite des valeurs idiote qui mène le combat de la croissance. C'est souvent des contradictions totales. On a des personnages comme De Benoît qui reviennent justement sur cette thématique. Mais De Benoît est très bon. D'ailleurs, des levées de boucliers de la paléo-escrave-gauche. Oui, les décroissants de gauche ont très peur que nous reprenions notre bébé. D'ailleurs, ils ont publié des communiqués en disant nous n'avons rien à voir avec Alain Soral et De Benoît. Et d'ailleurs, ils ne sont pas capables de dire en quoi ils n'ont rien à voir, mais c'est parce qu'on leur fait peur, tu vois. Effectivement. Mais il lève l'antifascisme, c'est toujours le même bol. Mais donc c'est une question sérieuse, oui, la croissance. D'abord, pourquoi on parle de croissance? Parce que comme on ne remet jamais en cause la redistribution, comment dirais-je, de la valeur ajoutée, pour qu'on puisse augmenter le pouvoir d'achat des salariés, il faut qu'on soit en croissance continue pour ne pas rogner la part du capital. Donc déjà, ça veut dire qu'on pourrait très bien augmenter le pouvoir d'achat des milieux populaires sans augmenter la croissance si les détenteurs du capital acceptaient de rééquilibrer un peu le rapport capital-travail. Ça s'appelle la participation. Ça s'appelle ce qu'on veut, mais en tout cas, on n'en parle jamais. C'est pour ça que la croissance, c'est la seule solution dans la mesure où les riches ne veulent jamais rien donner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut forcément que cette part donnée au salariat soit la part de la croissance. Alors qu'on pourrait très bien imaginer une croissance zéro, un enrichissement des classes moyennes et populaires, simplement parce que on sait très bien que une meilleure distribution. Oui, on sait très bien que le rapport capital-travail n'a fait que qu'aller en faveur du capital depuis les années 70. Et ça aussi, c'est de la lutte des classes, excusez-moi. C'est que le rapport de force a évolué et qu'il y a eu énormément de gains de productivité depuis 30 ans au fruit de restructuration de chômage, et que systématiquement, ces gains de productivité sont allés au capital et jamais à ceux qui les avaient produits, parce que les gains de productivité sont produits par les ITC, les ingénieurs techniciens cadres. Là, excusez-moi, c'est l'école marxiste qui ressort. Donc il y a une immoralité dégueulasse dans tout ça. C'est que plus les travailleurs font des efforts pour travailler plus et à meilleur rendement, plus la valeur ajoutée qu'ils produisent va au capital, et plus le capital s'en sert pour les foutre au chômage. Et ce qui est dramatique, c'est qu'avec la logique des fonds de pension, quand une entreprise se fait repérer par les fonds de pension parce que justement elle a un haut taux de valeur ajoutée, les mecs se jettent sur elle, exigent encore plus et licencient. Ce qui veut dire que être performant, c'est se mettre en danger. C'est-à-dire qu'on est dans une logique très absurde, très immorale, dont tout le monde annonce d'ailleurs la chute. On pourrait parler de la théorie de la monnaie, du dollar flottant absolu, etc. On voit bien qu'on est dans un système qui est moralement absurde et qui même devient absurde par rapport à ses propres fondamentaux. Hein, on le voit bien. Le problème, c'est combien de temps ça va durer encore, on n'en sait rien. Pour l'instant, on subit ça absolument, et on est dans une période où les résistances à cette logique libérale, c'est ça dont on parle, sont tombées pratiquement partout, parce qu'avant, il y avait quand même la gauche pour lutter contre, plus que l'extrême droite d'ailleurs, qui était un peu piégée par son côté, son origine bourgeoise, et la gauche a renoncé à la critique du capital, faut pas oublier, c'est une période intéressante. C'est pour ça que, c'est ce que fait Marine en ce moment, c'est intéressant, que la mouvance nationale reprenne ce travail critique de l'économie libérale et de ses violences, qui est un des héritages du camp de la droite des valeurs, au moment où la gauche bobo ne le fait absolument plus. Ça me paraît stratégiquement très intéressant, moralement nécessaire et politiquement efficace. Voilà, et c'est ce qu'on fait en ce moment. C'est pour ceux qui veulent savoir ce que je fais au Front National, ben notamment, j'amène ce discours critique qui n'était pas dans la tradition du Front, parce que la bourgeoisie des valeurs ayant été vaincue par l'économie déteste la catégorie qu'il a vaincu. C'est-à-dire que le truc du hobro, c'est je ne fais pas d'économie, c'est un truc de bourgeois. Malheureusement, à un moment donné, tu dois connaître l'outil, c'est très compliqué, mais tu dois maîtriser l'outil qui a provoqué ta défaite. C'est la logique qui amène la mutation du Japon au début du... Enfin, la révolution, machin, là. Voilà. Et moi, je dis, au front, on devrait avoir une formation d'économiste sérieux. Et pour ça, il faut lire Marx. Parce que la critique du libéralisme comme processus global, l'auteur, le penseur qui le fait de manière la plus fine et la plus profonde, c'est Karl Marx. Donc c'est pour ça que j'ai dit, on peut être totalement anticommuniste, on peut même avoir des raisons historiques d'être anticommuniste, notamment par rapport à l'URSS. Ce n'est pas pour autant qu'il faut s'abstenir de lire la critique géniale qu'a fait Marx du libéralisme comme processus historique global. Voilà, et c'est ce que Benoît a parfaitement compris. Marx faisait-il la critique du libéralisme contemporain ou du libéralisme tel qu'il était à l'époque? J'ai répondu, il fait la critique du libéralisme en tant que processus. Un processus, c'est une logique dynamique. Donc quand on a compris les fondements, on voit en gros où ça va. D'ailleurs, Marx n'est pas beaucoup trompé. Il parle de concentration du capital, il passe de baisse tendancielle du taux de profit. Tout ça existe. On voit bien que quand on a une logique de fusion-acquisition exponentielle, pour lui, qui est une fuite en avant par rapport à une fragilisation. Ça ressemble. Personne ne conteste, même pas Attali d'ailleurs, et même pas les penseurs libéraux de l'école même de Chicago, que Marx s'est quand même pas trop trompé sur des tas de choses. Parce que comme Marx, il n'y a plus d'enjeu politique depuis la chute du bloc de l'Est, on peut à la limite lui trouver des qualités. Avant, il y avait un combat politique immédiat, c'est qu'il n'était pas question de rien reconnaître à Marx, puisque il y avait un empire politique qui se réclamait du marxisme, qui était l'Union soviétique. L'intérêt de la chute de l'Union soviétique et de cet autre continent moral, politique, économique qui était les blocs de l'Est, auxquels j'étais attaché au nom de la différence et de la diversité, parce que je pensais que c'était bien qu'il y ait deux mondes. Qu'il y ait le monde anglo-saxon, capitaliste, bourgeois, etc. Et puis un autre monde qui s'appelait le monde russo-bolchevico-socialiste, dont d'ailleurs même les Dugin a compris aujourd'hui que c'est beaucoup plus intéressant certaines personnes de la droite nationale en avaient compris. Il y avait des choses très intéressantes dans l'URSS. Se traduire au marxisme pur, l'URSS. Non, puis il n'y avait pas de pub, il n'y avait pas de pornographie, il y avait l'apologie du sport et de la culture, l'université était de très bon niveau, enfin, il y avait des tas de choses qui... Non, mais il faut aller au-delà du schéma. Voilà. Et là, on est dans une discussion intéressante, c'est-à-dire faire monter le niveau de culture, le niveau de connaissance, le niveau d'analyse, et surtout pour que ça nous serve, pour que faire demain. Et je vous dis, moi, c'est ça, c'est... il se trouve, pour prolonger sur gauche du travail, droite des valeurs, que historiquement le Front National est, je veux dire même sociologiquement, la jonction de ces deux sociologies. Qui sont les électeurs du Front National? Les déçus de la gauche bobo, issus de la gauche du travail, c'est-à-dire les anciens communistes, et les déçus de la droite de la droite des valeurs, et déçus par la droite d'affaires. C'est-à-dire que c'est un travail qui est d'autant plus facile à faire, que le Front incarne cette idéologie gauche du travail, droite des valeurs, c'est sa réalité sociologique même. C'est-à-dire que le Front National, c'est cette gauche populaire et cette droite populaire. C'est déjà ça. Donc là, on est dans le passage de l'en soi au pour soi. Il suffirait juste que ce que Le Pen a fait, à incarner physiquement, comme Jean Gabin peut incarner cette dualité, parce que c'est un peu ça. J'appelle ça la gauche Jean Gabin et la droite Jean Gabin. Jean Gabin jeune, c'est Le Jour se lève, c'est le prolo qui a des couilles, et on voit très bien dans Le Jour se lève ce film magnifique. Et puis à la fin, ça devient le patron de PME, qui est un ancien prolo qui s'est élevé tout seul par sa capacité de travail. Et ça, c'était un ouvrier respectable qui est devenu un patron respectable. Et là, on a la médiation d'un monde avec une hiérarchie possible, c'est-à-dire qui ne doit pas être détruit systématiquement par la société sans classe, parce que Jean Gabin, comme personnage qui fonctionne totalement, puisque les Français se sont identifiés à lui, est le type qui a pu être un patron respectable, un ancien ouvrier respectable. Et moi, je crois à la possibilité qu'un type, par son travail, sa compétence, etc., soit un ancien ouvrier devenu petit patron. C'est possible. C'est en ça où je suis un peu libéral au sens de Le Pen, au sens tocquevillien, c'est qu'il n'est pas normal. Un monde où un type ne peut pas s'élever par son travail est un monde horrible. Et là, on comprend pourquoi, à un moment donné, il a fallu construire un mur à Berlin, parce qu'il y a peut-être des mecs qui avaient envie de quitter ce genre de monde. Ça, je le comprends tout à fait. Et... pour finir juste ce raisonnement, le Front National, c'est ça. C'est l'union sacrée de la gauche populaire et de la droite populaire, et c'est ce qu'on appelle aussi le peuple de France. C'est ce que le peuple tel que je le respecte. Les autres, pour moi, étant les parasites, les ennemis de la nation, et là, on a un combat, on a deux mondes, et on a un combat qui est simple. Hein, la gauche bobo et la droite d'affaires, c'est-à-dire le mariage Sarko-Carla, la connivence des parasites, j'appelle ça, hein, qui sont d'ailleurs mondialistes, cosmopolites, haineux du travail, haineux du travail manuel, haineux de tout ce qui représente l'effort, le savoir-faire, etc. Et de l'autre côté, cette petite et moyenne bourgeoisie entrepreneuriale et ces gens issus du mouvement ouvrier, qui sont les gens qui portent ce que j'appelle les gens qui assument le principe de réalité. Voilà. Et ben, cette vision du monde me paraît très saine. Et je pense que démontrer comme ça, si on dit le Front National c'est ça, d'un seul coup on peut devenir rapidement majoritaire, même électoralement, parce que personne ne peut être contre, sauf les salopards, quoi, je veux dire. On va faire une pause, on fait une petite pause musicale, et après il y aura un certain nombre de questions du public, je crois, qui commencent à arriver. Voilà. Donc je dis à Olivier Besancenot, hein, petit merdeux, je te prends quand tu veux, hein, tous les deux, sur un ring, puisque tu fais de la boxe. Par contre, je viens de prendre quoi tu veux hors caméra. Voilà. Alain Soral. Ce soir, de 22h à minuit, l'émission derrière ta porte sur Radio Mondiale. C'est une proposition. Nous reprenons l'émission donc derrière ta porte tous les mardis soirs de 22h à minuit sur Radio Bandiera Nera. Nous avons commencé le 12 janvier, nous sommes maintenant le 13 janvier. Excusez-moi. Voilà, nous sommes toujours avec Alain Soral. Nous avions quelques questions du public en vrai. Du public en vrai. Oui, alors j'ai posé une question un peu bête, mais comme vous faites de la politique, vous allez être confronté à de nombreux imbéciles. Dans votre discours, est-ce que vous reconnaissez la compatibilité parfaite de l'islam avec la société occidentale française? Ça ne pose pas de problème pour vous? Si, bien sûr. Ça en pose beaucoup. Bien sûr que ça en pose. Il faut les problèmes que ça pose. Il faut les résoudre. Et comment les résoudre? Alors, moi, je suis toujours pareil. Nous avons en France un problème quantitatif avec l'islam. Ce qui est déjà pas pareil, il y a un problème qualitatif. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de musulmans en France parce qu'il y a une immigration, on va dire, incontrôlée. Donc, déjà, je commence par les... Toujours, comment dirais-je, phénoménologie avant la logique. Hein, je suis hégélien. Pourquoi y a-t-il autant de musulmans en France? Parce qu'il y a beaucoup d'immigrés. Voilà. Donc, il faut arrêter de faire venir des immigrés, c'est clair. Après, qui les a fait venir et pourquoi, c'est aussi une question. Donc, là, moi, j'essaie d'être précis. Je dis, ces gens-là ne sont pas venus d'eux-mêmes. On les a fait venir. C'est pas une conquête militaire avec un projet. C'est des gens que Giscard et Chirac, donc les élus de notre bonne droite à nous, ont fait venir via le regroupement familial, et souvent d'ailleurs ces gens-là ne voulaient pas venir, il y a eu des accords de gouvernement à gouvernement, même parfois des mecs étaient plus ou moins raptés dans les villages, enfin je veux dire, c'est une histoire dégueulasse, pour faire baisser les coûts de production, pour casser aussi, la puissance de du mouvement ouvrier français. Hein, il y avait... Ça c'est à l'époque, dans les 1790-80, oui. Ils viennent d'eux-mêmes aujourd'hui. Oui d'accord, mais ça commence par ça. Après, on est dans la logique d'une immigration de peuplement, donc là on peut imaginer effectivement que les gens qui sont à la tête de notre pays ont comme un espèce de projet étrange de remplacer progressivement la population française, ce qui est assez inquiétant. Sans doute peut-être parce qu'elle n'est pas assez obéissante par rapport à un projet qui est un projet de gouvernance mondiale, sans doute, qui est le projet de M. Monnet dès l'après-guerre, hein, et de M. Schuman, etc. Enfin, c'est clair. Donc là-dessus, je suis très inquiet. Après, je fais remarquer donc que l'islam est un problème quantitatif. On parle aujourd'hui d'islam, on ne parle pas tellement des bouddhistes, pas à cause des valeurs de l'islam, mais parce qu'il y en a beaucoup, et qu'en plus il y en a beaucoup dans le sous-prolétariat, et qui posent des problèmes sociaux, et ethniques, et idéologiques. Et là, je ne suis pas dans le monodéterminisme, je me branle pas pour savoir s'il faut dire que c'est un problème social ou un problème ethno-culturel. C'est les deux en général, et ça se surajoute. Donc on a des gens qu'on avait fait venir normalement pour travailler et il n'y a plus de travail, dans des cités dortoirs qui ne sont viables en termes d'urbanisme que si ce sont des cités dortoirs, c'est-à-dire qu'on rentre fatigué du travail, mais si d'un seul coup on ne travaille plus et qu'on tient les murs toute la journée, et que ça crée ce qu'on appelle une névrose sociale qui peut s'appeler aussi la délinquance chez les adolescents pleins de testostérone, enfin, je veux dire, on peut faire cette sociologie. Et ça produit aujourd'hui ce qu'on appelle objectivement une catastrophe, c'est-à-dire des gens qui sont là, qui n'aiment pas la France, que les Français n'aiment pas, qui coûtent très cher au pays, parce que ça c'est certain, et d'aujourd'hui on dit on va mettre des milliards d'euros, on ne sait pas où on va les prendre, pour en mettre quelques-uns au travail, alors qu'en plus il n'y a pas de travail. Enfin, je veux dire, c'est délirant. Voilà. Et en plus, ils n'ont pas envie de travailler, personne n'a trop envie de travailler, eux non plus, on est dans une société de la Starac, enfin, c'est vrai, ils vont tous devenir basketteurs ou... Voilà, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe totale, voilà. Voilà. Bon, après, c'est, on remarque d'ailleurs que l'islam est presque secondaire dans cette histoire-là, parce qu'en réalité, souvent, on assimile cet énorme problème de cette immigration sous-prolétaire, sans travail et peu française à l'islam. Je fais remarquer que l'islam est une religion qui s'adapte à toutes les nations par où elle est passée. Le plus grand nombre de musulmans aujourd'hui au monde sont en Indonésie, comme vous le savez. Ils ne sont ni arabes, ni quoi que ce soit. Donc déjà, je demande qu'on étudie le problème de façon sérieuse. C'est-à-dire que l'islam est un système de valeurs qui n'est pas consubstantiel à l'ethnie arabe ou même à la racialité sémite. Hein. Donc on peut imaginer, je dis bien, des Français patriotes musulmans, et même des Français patriotes d'origine maghrébine musulmane. C'est, on peut l'imaginer. Ça sera l'impression que l'islam fait un agendamento. Bon, oui, bien sûr. Dans quelle proportion ? Mais bien sûr, ça c'est encore autre chose. On peut l'imaginer en faisant un gros boulot. Ce qui voudrait dire déjà qu'on remet en France quelque chose qui a été complètement cassé, c'est le fait qu'il faille qu'un mec qui naît en France et qui veut rester accepte un certain nombre de, enfin respecte une charte, qu'il soit fier d'être français, qu'on lui ait donné envie d'être français, d'être fier d'être français, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que la machine à assimilation qui effectivement est en surchauffe parce qu'il est plus dur, je l'admets, d'assimiler un maghrébin musulman qu'un italien catholique, ça c'est une évidence, et c'est d'autant plus difficile que cette machine assimilatrice 3ème République a été totalement cassée après mai 68 et qu'on a élevé ces jeunes gens dans quelque chose qui devrait vous plaire, si je voulais être un peu vicieux, qui s'appelle le différentialisme culturel, n'est-ce pas, auquel de Benoît était très attaché lui-même, sur la haine de la France coloniale, collabo, etc. C'est-à-dire que ces gens-là ont été élevés pour haïr la France, et les gens qui sont censés représenter la France, c'est-à-dire Bernard-Henri Lévy et les éducateurs trotskistes qui sont à leur contact, si la France c'est eux, je comprends qu'ils ne l'aiment pas. Donc c'est-à-dire, il y a toutes ces questions-là, c'est que la France que ces gens-là n'aiment pas, je ne l'aime pas non plus. Donc je me dis, à un moment donné, si on faisait le boulot dont je parle, de reconstruire une gauche du travail unie à une droite des valeurs, de remettre en place ce que c'est que notre histoire réelle et dont on peut être fier, etc., peut-être que ce problème qu'on trouve monstrueux, qui s'appelle les Français de culture ou de religion musulmane, pourrait devenir un peu moins problématique. Ce qui ne veut pas dire qu'il serait résolu, mais ça diminuerait le nombre de causes aggravantes. Et moi, je suis pour prendre le chantier comme ça, je dirais, parce que je ne vois pas d'autres solutions, c'est tout. Et je vous dis, si je pouvais remonter le temps, j'annulerais purement simplement le regroupement familial et le problème ne se poserait pas. Je fais remarquer aussi que tout ça est lié à l'histoire coloniale et à une décolonisation faite en dépit du bon sens. Et là, je me demande si finalement Le Pen n'avait pas raison par rapport à De Gaulle, parce que si on avait donné la nationalité française aux maghrébins d'Algérie, aux musulmans d'Algérie, ils seraient devenus français, mais ils n'auraient peut-être pas eu de raison de vouloir monter à la métropole. Aujourd'hui, on a eu tous les défauts de la colonisation. C'est ce qu'a développé Vénère en disant voilà, il faut repousser les frontières. Oui, parce qu'on aurait pu imaginer, une Algérie pilotée par l'Empire prospère, avec des maghrébins musulmans de nationalité française, qui sont tout contents d'intégrer la moyenne bourgeoisie algéroise ou oranaise. Alors qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est que même la moyenne bourgeoisie algérienne et les diplômés algériens ne rêvent que de venir en France. Et la seule espoir qu'on ait, c'est qu'ils rêvent plutôt d'aller en Amérique, ce qui prouvera qu'on a encore dégringolé en termes de prestige. Parce que aujourd'hui, il y en a qui veulent aller au Canada. Finalement, là, oui, la porte de sortie, c'est qu'on dégringole encore. Ce que je veux dire, c'est que moi, l'islam me pose un gros problème quantitatif. Je pense que si on a une arrivée de plus en plus massive de Chinois bouddhistes ou shintoïstes, la question de l'inconciliabilité radicale du shintoïsme et du christianisme. Je veux dire, ce qui n'est pas la vérité aujourd'hui, parce qu'en réalité, en termes de valeurs, ce que je veux dire, c'est que l'islam, en termes de valeurs, n'est absolument pas inconciliable avec notre droite des valeurs. C'est patriarcal, respect de la famille, et je me méfie aussi de certains fantasmes sur un certain islam campagnard, maghrébin, un peu frustre, qu'on monte systématiquement du doigt. Quand vous fréquentez, par exemple, des Algériens de la moyenne bourgeoisie musulmane ou de la bourgeoisie supérieure, d'un seul coup, ces problèmes-là vous semblent moins brutaux, parce qu'il y a aussi le niveau social. Il faut oublier qu'on a reçu en France ce qu'on appelle les gens du bled, c'est-à-dire la paysannerie très analphabète du Maghreb, et qu'on a amené dans des banlieues où ils ont fait un saut dans l'histoire et dans le temps incroyable. C'est-à-dire, si on prenait... je sais pas, du 17e siècle à aujourd'hui. Il faut se rappeler de comment on traitait les Bretons. Voilà, c'est exactement ça. Les Bretons étaient des Maghrébins. Les Ploucs, les fameux Ploucs. Alors, pour revenir à l'islam, dans tout à fait raison, lorsque je parle du simple point quantitatif, maintenant, bon, l'histoire nous montre que lorsque une population qui s'identifie plus ou moins parfaitement à l'islam, et c'est le cas aujourd'hui, bon, pour l'impression d'origine. Je suis pas sûr que ce soit tellement le cas quand on regarde de très près. Non, mais je veux dire, ça dit plus ou moins parfaitement. Moi, je suis même passé, j'ai enseigné en ZEP, je vois, c'est soi-disant petit musulman, je le connais, l'islam mieux que. Bon, parenthèse est en fait. Est-ce qu'il est pour nous, l'histoire nous montre que lorsque les musulmans constituent une masse critique cette partie-ci peut se renverser, c'est prendre la supériorité démographique. Même le musulman qui jusqu'à maintenant avait été respectueux des lois, respectueux du modèle social, peut se renverser en faveur d'un régime qui s'affirmerait. Donc on est d'accord que l'islam est un problème quantitatif, c'est certain, et qu'il est très inquiétant. C'est une question de flux migratoire massif. Donc là, le Front National n'a pas bougé sur ses fondamentaux. Immigration zéro. Hein, et sans doute aussi loi sévère pour retour au pays d'origine de gens qui se tiennent trop mal, et on peut imaginer à terme, en termes d'ailleurs de, je ne voudrais même pas parler de co-développement parce qu'on est encore dans une logique de la croissance, mais à un moment donné, oui, le co-développement maintenant, oui, d'admettre que des pays d'accords bilatéraux, oui, ouais, d'accords bilatéraux pour que des gens puissent retourner dans leur pays d'origine, oui, où ils pourraient après avoir été formés devenir l'élite de pays qui aujourd'hui ont des fuites avec la logique de Attali, c'est le contraire. Tout ça effectivement, si on se rapprochait du pouvoir de manière raisonnable, on pourrait mettre ça en place par tranches successives. Mais annoncer la Reconquista comme ça de but en blanc, c'est le meilleur moyen de ne jamais y arriver, entre guillemets, si je voulais être un peu stratège. En revanche, il est évident que on peut imaginer à un moment donné, si on fait ce travail intelligent, respectueux et en prenant le problème et exactement avec toutes ses composantes, à un moment donné, une idée de reflux migratoire coordonné et voulu, avec des types qui sont originaires du Mali, très contents, formés et même boursiers et même aidés de devenir les élites d'un Mali qui en a besoin, sans qu'il y ait besoin de violence, de charter, de discours de haine racialiste, etc. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est la guerre civile, c'est-à-dire que je vois et le Kosovo. C'est-à-dire que si à un moment donné on est dans une logique identitaire en disant c'est les musulmans contre les blancs, lutte à mort, et ben les musulmans effectivement se solidarisent. C'est pas j'accepte pas qu'on mette le mot identitaire sur cette logique-là. Non, on va dire identitaire. Le mot n'appartient pas aux identitaires. C'est-à-dire que le danger, c'est le cause. On arrive, parce que moi, ce qui me fait peur, c'est effectivement la marge de manœuvre est étroite. C'est le danger de guerre civile et d'idée. C'est-à-dire qu'on arrive à la République islamique de Seine-Saint-Denis parce qu'effectivement ils sont majoritaires, parce qu'ils ne sont absolument pas français, parce qu'on est dans le différentialisme intégral, parce que la République il a admis et y a renoncé, qu'à un moment donné c'est eux les plus nombreux là-bas. Et puis effectivement ça c'est terrifiant. Vous voyez. On a des prémices en Angleterre d'ailleurs de ce qui veut dire d'ailleurs que le système anglo-saxon ne marche pas mieux que le système assimilationniste français, parce qu'ils ont largement tant de problèmes que nous avec leurs musulmans. Nous, on a pas les attentats. Ça commence à arriver en Angleterre, alors que ça a toujours, grâce au Commonwealth, ça a toujours été absolument neutre, jusqu'à l'affaire de l'Irak, la deuxième guerre d'Irak, et quand le gouvernement anglais est parti en guerre avec Bush, sur une guerre qui n'était pas fondée, à partir de ce moment-là, il y a eu un problème avec ce que l'Angleterre offrait à ses communautés. Dans certaines parties de l'Angleterre, Brighton liberté. Et compagnie. Le modèle anglo-saxon communautaire face à une arrivée massive de musulmans ne marche pas mieux que le modèle assimilationniste français. La majorité des musulmans en Angleterre, c'est absolument pas des arabo-musulmans. Non. Ce sont des Pakistanais. Bien sûr. On a à voir avec la guerre d'Irak, mais qui n'ont pas attendu la guerre d'Irak pour, à Brighton ou ailleurs, affirmer un refus complet du modèle anglais en disant non, attendez, ici c'est le Dar es Islam. Ils sont rentrés dans le modèle anglais qui leur offrait énormément de liberté. Simplement, si, à partir du moment où il y a eu une guerre. Si on revient aux causes premières, qui veut absolument du métissage et qui trouve normal que les populations aient vocation à être déracinées, que finalement. Quelques bobos. Le grand patronat mondial et les trotskistes, je veux dire, voilà. Donc on est toujours sur la gauche bobo et la droite d'affaires face à la gauche du travail et la droite des valeurs. On est toujours là-dessus. Dès lors qu'on est dans l'enracinement, je parlais à un Français d'origine. Maghrébine et musulmane, j'ai dit tu es d'où toi? Il me dit je suis Berrichon. Il m'avait baisé. Ça fait 3 générations qu'il est du Berry. Il dit moi je suis Berrichon. Et à un moment donné je me dis c'est vrai pourquoi. Oui, c'est le sens qu'on met derrière les mots. Ouais. Parce que par exemple. Je sais pas, lui il se sent Berrichon français. Je vais pas l'insulter en disant tu mens, je vais t'arracher la peau, je vais être gratuit. Vous dites vous-même que la France s'est effondrée, que maintenant c'est Sarkozy, etc. Elle s'est pas effondrée à cause de ce mec-là. Non mais d'accord, mais quelles sont les valeurs. Au contraire, quelles sont les valeurs qu'on offre qui peuvent intégrer ces populations étrangères. C'est pas ces populations, à un moment donné, il y a des gens qui seront sans doute tout à fait d'accord pour s'intégrer. Et moi, le type dont je te parle, il a Bac plus 7 ou 8. Il est en train de faire avec moi une émission de enfin, je peux pas t'en parler, mais enfin, c'est un patriote. Il est assez proche de moi. Il partage les mêmes idées en gros que nous. Et d'abord, c'est un identitaire lui aussi, parce que excuse-moi, il respecte l'identité française. Il dit, je comprends totalement que les Français soient inquiets de tout ça. Moi qui suis français d'origine maghrébine et de confession musulmane, je me dois absolument de respecter la sensibilité française chrétienne. Oui, mais... je comprends totalement que ça peut être considéré comme une agression. C'est possible à la marge. C'est des cas particuliers. On peut pas se servir d'un cas particulier pour... Si c'est des leaders de si certains leaders disent voilà c'est ça notre ligne ça change tout par rapport à des leaders qui diraient voilà nous avons vocation nous sommes dans une conquête, la Oumma a vocation à prendre possession de l'Europe à terme, etc. C'est un discours de combat. Quand tu dis un adolescent qui écoute un discours de type respectueux, assimilationniste et respectueux, ou un discours de combat hostile et haineux, c'est pas la même chose. Dans un cas, il y a des conflits, dans un cas, il y en a pas. Dans un autre cas, t'as un mec qui met un point d'honneur à devenir agrégé de grammaire française. Tu vois, le mec, il parle un français incroyable, il est habillé impeccablement, et il connaît l'histoire du Berry sur le bout des doigts, c'est pas le même problème. Positionner contre le modèle assimilationniste, c'est pas forcément tenir un discours haineux aussi, et un discours de combat. Non, je veux dire, on a un discours avant tout positif. D'abord, d'affirmation de notre ethnos, dans le respect des autres, dans leur développement normal. Toujours la même chose, territorial, qu'à un moment donné, historique. Une communauté qu'on identifie de manière aussi c'est un peu abstrait. Nous, identitaire de tous les pays, unissez-vous. On est dans ces logiques-là, de la différenciation contre l'indifférencié, contre l'homogénéisation mondiale. Ces gens-là sont donc ceux qui sont le plus complices du mondialisme, et qui sont d'ailleurs des libéraux et des mondialistes, sont les voyous de banlieue, les IVA, les rappeurs, etc. C'est sûr. Donc moi, c'est pour ça que si on revient sur l'islam, moi j'ai remarqué un truc, c'est qu'en banlieue, les plus intelligents et les plus aptes à comprendre nos problèmes et à les respecter, donc à respecter la France et à admettre que la France est un pays qui a une histoire, des racines, comme avait dit De Gaulle, etc., ce sont plutôt les Français d'origine maghrébine cultivés et musulmans que le IVA, qui est un abruti, haineux et qui est un libéral. Lui, c'est la maille, la bimbo. Bah, c'est un allié objectif de Sarkozy. Oui, bien sûr. Oui. Bah, c'était Doc Gineco, oui, qui en plus avait une problème d'ardoise fiscale. Enfin, et qu'il a réglé avec ça. Oui, voilà. Donc, c'est pour ça que quand. Le problème, c'est toujours la vision un peu globalisante, fantasmatique. Vous voyez, quand on regarde le problème, on voit qu'il y a. Je sais pas, quand on regarde avec une espèce de microscope, on voit qu'un truc qui nous semblait une espèce de masse insécable et faite de choses un peu différente, qu'on peut peut-être parfois séparer, hiérarchiser, etc. Et le problème devient, parce qu'il est posé correctement, peut-être gérable. Voilà. Or, il y a une manière de poser le problème qui induit la réponse, c'est que c'est foutu. Voilà. Nous avons une énorme masse de musulmans, ils font partie de la Oumma islamia, ils ont tous la même idéologie, cette idéologie de conquête qui s'appelle le djihad, et nous sommes complètement affaiblis, et si nous ne révoltons pas maintenant par une logique de reconquista, dans 20 ans c'est trop tard. Ce qui veut dire en gros, quand on a fini de dire ça, prenons les fusils dès demain, parce que dans 10 ans, c'est eux qui nous pointent. Il y a la question démographique, parce que le jour où 100 personnes installées en Auvergne... Fais des enfants. Marie-toi, fais des gosses. Fais des sports de combat. Fais-toi respecter par les mecs de banlieue comme moi, je me fais respecter, parce que je sais que moi, j'ai jamais eu de problème avec eux. Tu vois, si on peut pas faire ça, pour renoncer... Montre ce que c'est qu'un Gaulois respectable et rends-toi respectable. C'est tout ça aussi, tu vois. Mais bien sûr, on n'a jamais dit le contraire. Un Gaulois respectable, c'est. Moi, c'est de plus en plus classe, c'est le petit maghrébin, pour te dire. Non, mais c'est une phrase de banlieue. C'est une phrase de banlieue. Les mecs, quand un mec de banlieue dit toi, t'es un Gaulois, il dit déjà que t'es pas un bolo. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des concepts. Ouais, je sais. Moi, j'y suis pas du tout aussi, on retourne au rapport de force. Avoir été traité de sale gauloise en collège, je le prenais pas vraiment comme genre. Non, mais ça va, t'es pas une dico, c'est une Gauloise. Bah ouais, mais non. En fait, moi, je le sentais vraiment comme une insulte. Et là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je pense que je sors plus fraîchement du collège que vous. Hein. Oui, c'est-à-dire que je me souviens un peu mieux que vous. Ça dépend où tu vas au collège aussi. Bah, j'étais à Ivry-sur-Seine. On peut difficilement comme Dantec. Non, mais je comprends. Mais voilà, donc je connais mon sujet. Une Gauloise, c'est une insulte. Un Gaulois, c'est une insulte. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Oui. Et puis, ouais, le fait est aussi que vouloir être un Gaulois, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'en France, un Français a envie d'être un Gaulois? Mais ça, c'est une autre question. Voilà. Ça, ben oui, oui pas... mais c'est ça le vrai fond du problème. C'est pas les trois péquenots, là, je sais pas moi, d'ici de gauche ou de droite, tu ou machin. C'est pas quelque chose qui est contre ce que je dis. C'est que le problème aujourd'hui, c'est... Parce que vous avez bien parlé, maintenant, je peux parler. Non, non, mais d'accord, mais... Non, non, mais c'est la base, voilà, comme ça, je parle, vous me laissez parler. Tu es en colère? Non, je ne suis pas en colère. Mais c'est-à-dire que vous êtes très grossier, vous me laissez pas terminer ma phrase. Alors que vous-même, vous réclamez à monsieur... Non, Bill, j'aimerais que vous disiez quelque chose. Oui, bah, dites quelque chose. Je suis en train de le dire, je suis en train de le dire. Le vrai problème, c'est pas, oui, mais fais-toi savoir en tant que Gaulois, fais-toi respecter en tant que Gaulois. Le problème, c'est pas ça. C'est, oui, lui, il se fait respecter en tant que Gaulois, il fait ce qu'il peut. Le vrai problème, c'est que combien il y a de Français qui ont envie d'être des Gaulois? C'est ça, le vrai problème. C'est que quand on se prend des sales gauloises à la gueule, est-ce qu'on a envie d'être une gauloise? Bien, ben non, on en... Non, mais alors, tu te tais, t'as assez parlé, tu me saoules, déjà. Non, non, mais tais-toi, j'aime pas ta franche, tu fais ça. Il est en partie chez nous. Non, mais la vraie question, c'est... Voilà, est-ce qu'on a envie d'être une sale gauloise, est-ce qu'on a envie d'être une bobo, est-ce qu'on a envie de ressembler à Laurie, ou est-ce qu'on a envie de ressembler à Carla Bruni? On a envie de ressembler à Carla Bruni quand on est française et quand on s'est fait traiter de sale gauloise au collège Georges Pulitzer à Ivry-sur-Seine, ou au lycée Roland Roland à Ivry-sur-Seine. Voilà, non, mais c'est ça le vrai. J'entends ta souffrance. Non, mais je veux dire, en quoi débouche-t-elle sur une proposition politique et sur un projet? Quel est ton projet, ma sœur? Déjà non, je ne suis pas votre sœur, parce que vous êtes beaucoup trop vieux. Ma maman n'aurait pas pu vous avoir comme enfant. Elle est née la même année que vous, voyez. Quel est ton projet? J'ai entendu ta colère. Quel est ton projet? Non, mais là, c'est pas de la colère. C'est pas de la Elle colère. Est légitime, je suis non, d'accord avec c'est toi. Non, c'est qu'il y a un vrai débat à recentrer. Ce que, apparemment, tout le monde s'est vertu à faire, c'est justement décentrer le débat, à se demander où est-ce qu'il faut placer la virgule. Non, mais mec, t'es un connard, la virgule, tu l'as pas placée au bon endroit. Et c'est ce que vous dites depuis le début du débat. Vous dites, il faut dépasser les rancœurs dialectiques. C'est ce que vous dites. Je me trompe pas. Oui, non, c'est une question fermée. C'est oui ou non. Est-ce que vous dites ça depuis le début? Moi, oui de... ou non, c'est une question fermée. Moi, j'essaye c'est de oui faire quelque chose et j'y arrive relativement. Non. Qu'est-ce que tu non, fais, non, toi non. Voilà. Voilà. Moi, ma question, c'est oui ou non. Est-ce que, depuis le début, vous dénoncez des renforts d'alikis? Oui, c'est... je réponds pour vous, puisque vous ne voulez pas répondre. Oui, c'est ce que vous faites depuis le début. Maintenant, la question, c'est... Ne cherchons pas la place de la virgule. Cherchons une vraie ligne. Alors vas-y. Mais non, mais moi je ne fais pas de la politique, je prétends pas faire de la politique comme vous. Moi, oui, non, mais moi d'après vous, je veux être une journaliste, même pas chez Figaro, mais moi mon but c'est d'être journaliste, hein, monsieur Zoral. Oui, non, c'est une question fermée, c'est une question fermée, c'est de la grammaire, c'est une question fermée, question ouverte, oui ou non? On joue sur les mots, oui, voilà. Bah voilà, on joue sur les mots, ça c'est ce que vous faites depuis le début, vous jouez sur les mots. Mais si, c'est la place de la virgule, lui vous le traitez d'historien. Il y a des gens qui comprennent très bien, ce qu'on non mais alors, de personne dire, depuis le début n'a compris quoi que ce soit, n'a compris un très très mot de ce que vous dites depuis le début. Si, il y a des gens qui ont très bien compris. Non mais, voilà, comprendre. Oui. C'est absurde. Comprendre, ça veut dire avoir en soi. Comprendre, Eric. Comprendre. Enfin voilà, de toute façon, là, l'émission va pas tarder à s'arrêter parce que de toute façon, personne ne dit rien. Tout le monde Pourquoi se mais pas du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. On t'écoute là, tu vois. Je regrette. Mais non, non. Il y avait des questions à poser. Il ressort on de les pose les questions. Que l'immigration est le problème majeur. Non, c'est faux. Non. Voilà, le problème majeur, c'est le système. On est bien d'accord. Bah, c'est la même chose. C'est le système qui a voulu l'immigration. Il génère aussi l'immigration, il génère ça, oui. Mais pas seulement. Il produit de l'individualisme méthodologique. La dialectique, effectivement, oui, ça devient un problème et qu'il est à la. On est tous d'accord. Et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense qu'on revient sur les choses qu'on a déjà évoquées. Voilà, exactement. Et personne n'est immigrationniste ici, je veux dire, personne n'a dit qu'il fallait faire venir plus d'immigrés, qu'il n'y avait pas de problème avec l'immigration, que c'était le bonheur, le monde Bédéton, que le métissage produisait de l'amour et de l'intelligence, personne n'a dit ça ici, je crois. On sait tous que c'est une catastrophe et que tout le monde en a conscience, et même d'ailleurs les... quelque part ces jeunes gens là, enfin pas ces jeunes là parce que eux justement c'est des métissés totaux, des névrosés sociaux et des gens qui sont, je dirais qui n'ont peu de conscience au sens platonicien du terme, mais ceux qui ont un peu de conscience sont contre l'Empire aussi. Ils disent mais attendez, moi le projet là de Attali m'intéresse pas non plus, je veux dire, et si à un moment donné les élites des banlieues étaient d'accord avec vous en disant enfin, on nous a montés les uns contre les autres, ce monde est de la merde, nous sommes tous victimes de l'Empire, ça serait peut-être un préalable à quelque chose. C'est-à-dire que pour l'instant, de dire j'en ai marre de me faire manquer de respect par des connards de banlieue, ce que je comprends totalement, parce que j'ai un peu vécu ça avant toi. Le problème, c'est qu'on se fait traiter de connards par les connards de banlieue, mais aussi par les bourgeois parisiens, les élites bien pensantes. Vous voyez, en fait, en gros, on est le dindon de la farce. C'est abject. Et pourquoi vous me dites ça à moi? J'ai écrit des bouquins pour qu'on ait le. J'ai écrit noir sur blanc tout ça, qu'on avait le droit de réaffirmer la qu'on était français, frague. Que les IVA c'était des connards, que les éducateurs gauchistes c'était des connards. Je veux dire, je ne suis pas Bernard-Henri Lévy, moi. Je veux dire, vous m'en voulez à moi, on dit pratiquement la même chose. Non, je vous en veux à vous parce que vous n'avez pas écouté, vous n'avez écouté personne. Non, vous m'avez pas écouté moi, et non, ça c'est trop vexant. non mais voilà, pas seulement ma petite personne, parce que c'est une âme, vous voyez, on vous a invité, on est je vous écoute. Je vous écoute et je vous entends, je fais que vous entendre. Vous faites que parler, vous n'êtes pas content, vous faites que parler, comment vous pouvez écouter et parler en même temps? Non mais si, soyez pas de mauvaise foi, vous venez de le faire encore à l'instant. Pas du tout. Mais non, franchement, non. Ah, ça va, me chie pas dans les bottes, hein. Je suis pas dans les bottes, je suis indépendant, moi. Je suis dans les bottes de personne. Ce qui est le problème, c'est qu'on... On arrive à s'engueuler entre nous quand on est d'accord à peu près sur 90% des choses. On sait pas trop pourquoi, hein. Si, moi je sais pourquoi, c'est pour le 10% restant. Mais... c'est pas pour les 90% parce que les non, c'est pas une question de non, les c'est les 10%, moi c'est 10% restant. Et puis surtout le problème de la colère, comme projet politique, c'est-à-dire que moi aussi la colère, j'aimerais bien que tout ça n'existe pas. C'est insupportable de se faire emmerder par des IVA. Je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire politiquement, sérieusement, une fois la colère passée? Parce que moi la réaction que j'ai, c'est comme moi ça m'est arrivé une fois que deux IVA matent le cul de ma femme. Je les vois mater le cul de ma femme. Normalement, tu regardes le cul des femmes, et quand le mari regarde, tu détournes le regard par... t'insistes pas. Le type insiste, il regarde, je vois, je lui dis, t'es en train de regarder. Il fait, qu'est-ce que t'as, toi, t'es pas content? Bon, j'arrive, boum, je mets mon pied dans la gueule. Voilà, bon, ça m'est arrivé aussi, si tu veux. Parce que c'est insupportable, deux petits merdeux en survêtement qui nient ta réalité, qui nient ce que ton être, qui te manque. C'est du fascisme, on va dire. C'est pour employer un bon mot, tu vois. Et c'est insupportable. Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que... passer cette colère assez impuissante, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a la réaction de Dantec. Dantec, il part au Québec, et là, sur des ondes, etc., il dit, faut tuer tous les musulmans, ouais, avec AM16, en ayant fumé 12 pétards. C'est rigolo. Mais je veux dire, moi, je suis dans la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette merde? Sachant qu'il n'y a aucune solution immédiate, radicale, et immédiatement efficiente, qui est, demain matin, on se réveille, il n'y a plus un bougnoule. Tu vois ce que je veux dire? Magique, tu vois, comme ça, ou alors, en réalité, il y a encore une armée, il y a encore un clergé, il y a encore une aristocratie, on prend le pouvoir, on fait un coup d'État, et puis voilà, on change la politique. On est entièrement pieds et poings liés, et on vient de le voir avec le mini-traité, la France est passée entièrement sous contrôle de l'Empire mondialisto, machin. La volonté de cet empire, c'est la libre circulation des capitaux, des marchandises et des hommes. C'est ce qu'on appelle le métissage obligatoire et le nomadisme généralisé de Attali. On est face à cette violence énorme, dont d'ailleurs les jeunes gens dont tu parles ne sont que des instruments. Tu vois ce que je veux dire? À la limite, les mépriser vraiment, ça serait dire qu'en fait, que ce sont des choses. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont des choses dans cette histoire, tu vois. Ils ne se pensent même pas eux-mêmes. Ils n'ont même pas décidé d'être d'horribles petits cons délinquants. Ils ont été pondus, ils ont été chiés, tu vois ce que je veux dire? Et c'est une nuisance, tu vois ce que je veux dire? C'est une pure nuisance. Ils n'existent même pas au sens platonicien du terme. Mais par contre, on se les prend dans la gueule toute la journée, ça, je suis d'accord. Et le truc, c'est, dans ce monde où c'est Sarkozy qui a été élu, où il vient de faire passer une ministre et tout en force, et tout ça, c'est cette idéologie qui se penche, alors que nous-mêmes pensons que c'est une catastrophe et que ça va nous tuer, et ça fait que s'aggraver. C'est-à-dire qu'en réalité, on voit très bien qu'on fait rentrer de plus en plus d'immigrés, que dans l'affaire de Cachan, c'était de la com, et on a donné des papiers à tout le monde, et que maintenant, on veut mettre la discrimination positive dans la Constitution, merci Simone Veil, que Attali nous dit qu'il faut qu'on manque d'immigrés en France, que c'est ça le problème. Enfin, on voit bien qu'ils veulent augmenter encore les doses, alors qu'on sait que c'est en train de détruire notre société, notre civilisation, notre pays, etc. Et là, cette question, c'est celle qui nous est posée à tous. Et face à cette question, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas beaucoup de moyens de manœuvre, mais c'est sûr que la pire chose à faire, c'est de s'engueuler, parce que je suis allé pisser pendant que tu faisais ta rubrique, que j'écouterai d'ailleurs dès que je vais rentrer à la maison, tu vois. C'est-à-dire que ce qui me concerne, c'est qu'on passe beaucoup de temps à s'engueuler entre nous. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire ici et maintenant, politiquement, quels sont les objectifs? On en a parlé tout à l'heure. C'était ma question suivante après ton développement. C'était ok, on a compris qu'il fallait partir de bases constructives, ouais, et du réel. Et qu'est-ce qu'on met dans ces bases constructives? Qu'est-ce qu'on met dans ces communauté de combat, si on peut les appeler comme ça, en tout cas, dans ces groupes qui vont produire de la parole, de l'idée, de la doctrine. Moi, je vois ce qui se passe en ce moment, c'est que Sarkozy est en train de justement, se créditer assez pour, vite. C'est pour ça que je te pose la question. C'est 6 mois qui viennent de s'écouler, ont accéléré le temps et la destruction. C'est dément. Hein. C'est dément. Ça va très vite. Le système ne dort jamais là. Ouais. Non mais en tout cas Sarkozy s'est fait élire sur une ligne nationale républicaine qui nous avait un peu pompé, il l'a trahi intégralement et ce qui était prévisible mais les Français s'en rendent compte. Si on produit ce discours cohérent d'union sacrée, de la gauche travail, de la droite des valeurs, avec toujours ces mêmes fondamentaux, immigration zéro, rétablissement de l'autorité, etc., etc., il est peut-être possible qu'on remonte un peu dans le cœur des électeurs. Alors, question, conscient de ça, et parce qu'il est entouré de gens qui sont quand même de fins tacticiens, il nous met un petit coup de sécurité, là, dans les 6 mois à venir. La sécurité, un bon vieux discours sécuritaire qu'il a en partie fait élire, il faut être honnête, hein, les caméras, le contrôle, c'est un fait par j'adore ce truc, moi. J'appelle le libéralisme sécuritaire, la sécurité elle se fait tout foire. Non, non, la sécurité elle se fait systématiquement sur les blancs, sur les petits blancs. Ah oui, complètement, mais c'est bien ce que je dis. Ça s'appelle le contrôle routier et interdiction de fumer dans les cafés. Moi, je ne vois pas Sarkozy aller contre, si tu veux, les fondamentaux de l'Empire. C'est-à-dire, d'abord, une politique sécuritaire en banlieue, il se prendrait toutes les associations, toutes les organisations antiracistes dans la gueule, et c'est un type qui ne veut pas aller au combat, en réalité, il fait que de la com. Il est quand même globalement financé par les lobbies migrationnistes pour continuer à ce que l'immigration s'implante. Donc il fera toujours de la com. Et donc du spectacle, comme à chaque... D'ailleurs, on voit bien que pour les gens qui connaissent son bilan réel au ministère de l'Intérieur, il était catastrophique. Il n'a jamais lutté contre l'immigration. Il a toujours donné des papiers ceux à tout le monde. Ceux qui en parlent le mieux sont les gendarmes et les policiers, oui, d'ailleurs. Bien sûr, qu'ils sont... Ce qui est intéressant, c'est que, ça aussi, je communique un peu, les policiers, mais même les gens de l'UMP, la base et même les cadres commencent à être absolument dégoûtés. Et il y a quand même, j'espère un jour qu'il y aura un sursaut, c'est-à-dire que les types commencent à ne plus pouvoir... obéir tellement c'est insupportable et que nous que la seule chose qu'on peut faire c'est produire le discours cohérent et qui nous rende crédible en termes d'alternative, de montrer d'ailleurs qu'on est la seule alternative réelle, Bayrou disant un peu les mêmes choses pour faire joli mais étant pour l'UE, s'interdisant en même temps toute possibilité de faire quoi que ce soit, parce que c'est toujours ça, pédagogie, politique sérieuse. Mais ce qui serait dramatique, c'est qu'au moment où nous sommes le plus légitimes, c'est-à-dire au moment où le Front National a démontré qu'il avait historiquement entièrement raison sur ses craintes, hein, ce serait que à ce moment-là le Front disparaisse ou se mette à changer de discours et à faire ce que le PC a fait quand il s'est fait bouffer par le PS à partir de 80, alors que la lutte des classes devenait effective, de plus en plus visible et radicalisée en termes de liquidation où on a vu tous ces SDF venir des zones détruites. C'est-à-dire que moi ce qui me ferait peur c'est que le Front, je pense d'ailleurs qu'il est en train d'y échapper, j'en suis à peu près sûr, mais ça serait de se baiser de la mort de Mitterrand au PC après Marchais, que le Front ait su la chose et qu'il n'y ait plus du tout d'opposition en France. Parce que on vit encore dans le luxe, là, presque, avec un Le Pen qui peut encore ouvrir un peu sa gueule, et même Marine qui a une fenêtre. On pourrait imaginer que nous n'ayons plus que cette radio alternative, en gros. Comme sous Staline, où à un moment donné, il n'y a pas... Enfin, c'est orwellien, quoi, le système en termes de contrôle, il n'y a plus rien. C'est une logique de dissidence. Donc, je propose pas grand-chose. Je propose une analyse cohérente, une doctrine cohérente, et de la marteler le plus souvent possible, parce que le réel nous donne raison. Et d'espérer que nous redevenions un mouvement puissant avec une doctrine intelligente et qui pèse lourdement sur la politique, avec peut-être l'espoir à un moment donné que le pouvoir bascule. Je vois pas très bien ce que je peux faire d'autre et faire de la formation aussi, de la pédagogie, de la formation. C'est-à-dire que chacun individuellement ait un discours de combat au niveau de la réalité. Parce que quand vous êtes face à un citoyen intelligent qui a une critique sérieuse, fine du système, c'est toujours ça de prix quand même. Ce qui est terrible, c'est de voir les connards qui te disent oui mais enfin Sarkozy, moi j'ai entendu des gens dans notre propre camp et des aristos avec Château te dire j'ai voté Sarkozy va remettre la vieille France en place, il va lutter contre l'immigration. On a quand même 1 million de mecs de chez nous qui sont allés voter pour lui. Il pleure maintenant. Donc faire de la formation, je, malheureusement je peux pas tellement proposer plus, j'ai pas de solution magique. Alors oui, bon, sans oui. Oui, d'accord, mais n'empêche qu'il a été. Je rappelle qu'on fait une émission de radio et donc si on pose une question, il faut le faire au micro. Oui, mais on l'a entendu à peu près là. Non, la question que j'avais envie de te poser, c'est tu dis que le déclic se fera à ce moment-là. Alors le déclic qui. Je dis qu'il faut appeler le déclic. À ce qu'il puisse... bon. Disons, instaurer les conditions nécessaires à une prise de conscience, mais le problème est que, on disait tout à l'heure, le système ne dort jamais, et le système produit de plus en plus de comas, quoi, en fait, ouais, de comas. Est-ce que Lénine appelle jamais le retour du concret ou du réel? Il y a quand même. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que justement l'éternel retour s'interrompe à un moment ou à un autre? Parce que la machine produit. Non, je ne parle pas d'éternel retour, je parle que de temps en temps, on ne peut pas cacher le concret quand il devient trop prégnant. Mais si le concret s'arrête à l'assiette et tiens, il n'y a plus la Starac à la télé, tiens, il n'y a plus à manger. On peut imaginer une crise économique américaine liée à la crise du dollar, etc., ouais, qui fait qu'on prend cette crise de plein fouet dans la gueule avec une situation à l'Argentine où la classe moyenne française se retrouve violemment paupérisée. Oui, aux années 20, quoi. On sait bien que ça bouge politiquement quand les classes moyennes sont touchées. Et qu'elles sont touchées réellement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, personne ne meurt de faim. Parce qu'on est parti très haut. Ce que je voulais dire par là, c'est que ça peut être un processus très lent, ça. Sarkozy l'a accéléré le processus. C'est vrai. C'est bon signe. Et malheureusement, on est obligé d'admettre que le salut ne peut venir que de l'aggravation de la crise. Oui. Il faut que ça aille plus mal pour que ça aille mieux. On n'est pas très drôle d'y penser. Non, mais on en est presque tous à le souhaiter. Et qu'on en est à souhaiter que ça aille de plus en plus mal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les Américains sont obligés d'attaquer l'Iran pour masquer leur faillite économique par une guerre, ce qui s'est déjà fait. Que les Chinois s'énervent. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on est dans un monde intéressant d'un point de vue si on n'a pas de problème de survie. Parce que c'est un monde où l'histoire recommence à être une histoire d'avant-guerre. Enfin, je veux dire, c'est une histoire intéressante. Il y a les Chinois qui bougent, il y a Poutine, c'est des signes, ça. Il y a Poutine qui est en train de remonter la Russie quand même, en partant de très bas. Tu vois, on peut rêver d'un Poutine français à un moment donné. Je ne sais pas si c'est un rêve, parce que je ne sais pas si le peuple de France est encore capable de recevoir ce genre de chef, si tu veux. Mais il y a quand même Poutine, il y a quand même Chavez, il y a la défaite des Américains en Irak, il y a leur crise économique. Enfin, il y a une politique internationale intéressante. L'histoire est en marche, elle va vite en ce moment, elle va fort. Pour quelqu'un qui aime la politique, c'est intéressant. En tout cas, on n'est pas dans une période molle, tu vois. On a Sarkozy qui fait n'importe quoi, ce qui est très intéressant et très rassurant pour les gens comme nous, parce qu'il se comporte directement comme nous pensions qu'il allait se comporter. Il est en train de se discréditer. C'était une des cartouches du système qui a été tiré par rapport au 21 avril. Il a quand même fait énormément il y a eu énormément de drapeaux français et d'appels au patriotisme et même aux racines et à la fierté et à la fin de la repentance pour se faire élire. Il a quand même mis toutes nos valeurs en avant pour se faire élire. Faut pas oublier. Ça, c'est pas totalement négatif, tu vois. Il est en train de se ridiculiser, de se discréditer. Il n'y a pas d'alternative à gauche. Il a détruit la gauche, tant mieux aussi. Il a fait un boulot de destruction qui est intéressant. À nous aussi de prendre ces espaces. Si c'est pas nous qui les prendrons, ça sera Bayrou sans doute. Ils sont en train d'aider Besancenot à capter la colère juvénile pour l'anéantir, c'est à nous aussi de mener le combat contre Besancenot, ce que j'essaye de faire, non pas en le doublant à droite, mais en le doublant à gauche, tu vois, en lui opposant Gluckstein et le PT, et en montrant les contradictions d'un type qui prétend défendre les acquis des travailleurs français tout en étant pour la régularisation intégrale des sans-papiers, ce qui est strictement incompatible et inconciliable. Enfin, je veux dire, moi, malheureusement, j'essaye de faire ce boulot au quotidien de production, d'analyse, de concepts, de doctrine, et essayer d'aider des jeunes de 20 ans à se former. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je reçois tous les jours des gens qui, de 20, 25 ans qui me disent je suis un peu moins con, j'ai lu vos bouquins, je comprends l'arnaque du système, et ils échappent à l'idéologie majoritaire droite de l'homiste, distillée par les profs. Et déjà, ça, c'est un combat de faire des individus avec une conscience et qui pensent qu'il est encore possible, qu'un autre monde est encore possible. Parce que on n'est pas en train d'essayer de gagner, on est déjà en train d'essayer de ne pas perdre totalement. C'est-à-dire qu'on est en train de retaper une baraque qui menace de nous tomber sur la gueule. On n'est pas en train de construire des châteaux en Espagne. La question suivante, c'est est-ce que le politique suffit seul à ça? On parlait tout à l'heure de réseau. On parle de métapolitique aussi. Justement, hein. Oui. Comment entretenir un réseau et sur quel point appuyer aujourd'hui? Faire du réseau, une des choses que j'ai compris par rapport à ma naïveté de jeunesse, où je croyais qu'il suffisait d'avoir lu tous les bouquins et d'être brillant, etc., pour exister politiquement, dans le monde réel n'existent que les réseaux. C'est-à-dire ce qu'on appelait les coteries avant. Le plus fort, c'est celui qui croise le plus de réseaux. Et le réseau, c'est des groupes, c'est des gens qui ont un projet, qui entretiennent des relations entre eux parce qu'ils ont le même projet, face à des individus atomisés qui n'ont aucun projet et qui peuvent être l'immense majorité, mais qui sont exactement les moutons face à trois loups qui décident de les bouffer. Or, la réalité du monde, déjà, il faut comprendre que c'est celle-là. On est dans un monde individualiste atomisé de gens qui n'ont comme projet que le bonheur ou la survie, et des petits groupes organisés qui ont un véritable projet de domination en général, tu vois. Et il faut faire partie d'un réseau pour exister, et il faut voir quels sont les réseaux qui peuvent collaborer. Et moi, j'essaye aussi de penser comme ça, de dire il faut aller voir tel mec, peut-être même aller voir les Russes, aller voir les Chavez, aller voir des gens qui font qu'on est les mêmes que nous à l'étranger, les patrons de PME qui ont compris que le MEDEF était leur pire ennemi, les ouvriers trahis par le syndicalisme institutionnel et qui ont compris que ces gens-là ne faisaient plus rien pour eux. Enfin, tu vois, rencontrer des gens, parler avec des gens, faire du réseau, pour qu'à un moment donné, au moins, on soit prêt, tu vois. C'est pour ceux qui ont étudié Maurras était très intelligent sur le plan des idées, mais en termes de réseau, c'était pot de balle, hein. Je veux dire, il n'y avait pas d'alternative. D'ailleurs, il s'est écroulé de n'avoir jamais... Il a sécrété un réseau important de dissidents. Ouais, mais c'était toujours... Il n'y avait pas de question de prise de pouvoir, quoi, tu vois. D'ailleurs, je dis pas que nous, on est mieux barrés, mais il y a des élites en France. Il y a encore des grands commis de l'État. Il y a des gens qui ont une vision colbertiste. Il y a des gens qui travaillent aujourd'hui pour le système Sarkozy, qui sont dégoûtés, qui sont compétents et qui n'osent pas bouger par peur, mais qui, si ça bougeait un peu, à un moment donné, s'ils sont identifiés, enfin, il faut lire, technique du coup d'État, de Malaparte, etc. Ouais, enfin, peut-être que c'est ce travail-là, humblement, qu'il faut faire, c'est faire du réseau, savoir qui serait d'accord un jour pour participer à quelque chose de l'ordre d'une aventure politique et qui sont dans la machine, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la machine qui sont dégoûtés et qui sont dans l'armée, dans la haute fonction publique, des gens qui sont des patriotes, souvent grâce au jacobinisme d'ailleurs, qui sont des grands commis de l'État conscients avec une vision de l'État qui n'est pas du tout, parce que je veux dire, si le jacobinisme aujourd'hui, si vous n'aimez pas le jacobinisme, Sarkozy et cette vision-là du monde l'a complètement liquidé. Je veux dire, le jacobinisme est un ennemi qui a été terrassé depuis longtemps, non pas par nous, mais par le camp... Oui, même s'il s'en sert encore d'ailleurs. Ouais, enfin, il se sert des grands commis de l'État. Je propose que l'on. C'est l'Europe. Cette discussion, là, parce qu'il va falloir rendre l'antenne. Voilà. Okay. On va finir par le mix de Monsieur A, qui va nous présenter. Alors, il s'agit. Juste avant, on remercie donc tous nos participants, remercier l'Insoral. La semaine prochaine, nous recevrons Jean-Paul Bourg. C'est clair. Désordre organisateur.